Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. Il était temps de les retrouver. Mes deux compères, mes deux spécialistes, celle qui a le don de me casser les pieds en permanence et qui, je crois que c'est profondément ancré au fond d'elle, qui adore faire ça. Bonsoir, Régie. Bonsoir. Quelle joie de vivre dans ta voix. Je suppose que tu es heureuse de faire cette playlist spéciale. Playlist hors série, avec quelqu'un d'autre encore, on l'appelle le poilu, le barbu, ou alors carrément le talentueux imitateur. C'est Fox. Comment ça va, Fox ? Bien, ça va, mais habituellement on m'appelle le géant du bois de Boulogne, donc ça change. Je crois qu'il n'y a pas de bus assez grand pour te cacher ce soir. Toi ? Je ne suis pas un buisson et je ne suis pas un héros non plus, mais on ne va pas parler de Jean-Philippe Smet. Je ne suis pas. Mais en fait, nous allons parler de Lucien Gisburg. Oh putain. Parce que j'adore prononcer son nom comme ça. Ah, attention, hein, on cherche des petits trucs. Hein. Alors, ça fait 3 mois que vous êtes dessus. L'idée est née suite à Convent P3 de Paris. Il serait bien qu'on ait un petit peu de hors-série différent sur déjà. Des artistes que j'aime bien déjà, ce serait bien. Ça me permettrait de changer un petit peu et arrêter de me tailler les veines. Mais mais tous les artistes qu'on te présente, tu les aimes bien au fond de toi. Ouais, mais au fond, des fois, j'arrive à les enlever quand même. Et ce soir, on va parler de qui ? D'une certaine femme, parce que on a bien vu que dans la playlist, il n'y avait pas cette femme. Du coup, nous allons parler de Yolanda Gigliotti. Non, mais t'es allé les chercher tout simplement. C'est Dalida, ça. Parce qu'on ne peut. C'est ça. Non, alors, on va parler de Claude Moine, dit Schmoll, dit Eddie Mitchell pour les intimes. Oh, Eddie Mitchell. Ouais. Moi, j'aime bien Eddie Mitchell. Non, jure. Non, tu connais pas Eddie Mitchell, t'es nul, tu connais deux de ses chansons. Eh ben, justement, c'est le principe de ce soir, c'est que vous allez essayer de m'apprendre un petit peu Eddie Mitchell. Et aussi, peut-être, aux auditeurs, enfin, ceux qui ne sont pas barrés déjà depuis 10 minutes, parce qu'on leur a dit qu'on allait parler d'Eddie Mitchell. Comme ceux qui n'ont pas écouté la playlist hors-série sur Simon & Garfunkel, ils ont eu de la chance. Bon, on va peut-être commencer par... Mais ça existe, les gens-là ? Oui, ça existe, ce sont des gens de goût. Tu sais, c'est les gens qui n'ont pas de goût et qui ne vivent pas, en fait, pour les bonnes choses. Bon, après, c'est tout, il y en a. Les pauvres. Bon, on va peut-être commencer, hein ? On ne va pas se coucher à 23h. À 23h, s'il y a moyen. Non, non. Ou demain, ou 23h demain, peut-être. Voilà. On va peut-être commencer par un titre des années 60, 1966. J'ai oublié de l'oublier, alors je dirais pas forcément l'auteur, puisque c'est Eddie Mitchell. C'est vraiment le début de sa carrière. Hein. Mais t'es chiant, bordel. Ça commence. Alors... Je crois qu'au fur et à mesure de l'émission, je pense qu'elle va gagner en vie. Et plus le joueur va me casser les pieds, elle va péter le feu. Je pense qu'elle est en train de gagner en point de manœuvre. Ouais, je pense qu'elle puise sa force dans ta faiblesse au fur et à mesure. Exactement, oui, ça me fait très peur. Elle est démoniste. Tu n'imagines même pas comme ma force est grande. Si, j'ai bien quoi. 1966 alors. Oh, c'est pas son début ça. Avant, il y a eu les chaussettes noires en 60. Ça a pas fait 60, plus de. Tout court. Ouais, mais ça a pas duré plus de 3 ans, je crois, les chaussettes noires. 3-4 ans. C'est ça. Et puis après, il a commencé sa période solo vers 63-64. Son premier album est en 63. Ouais. Voilà, 63, c'est le soldat Eddie, je crois, c'est ça. J'ai plus le titre exact en tête. Et donc du coup, il commence déjà à avoir 6 années de bouteille derrière lui à ce moment-là. Non, alors, par contre, c'est la première chanson qu'il a coécrit avec son parolier. Non, parce que c'est lui qui fait les paroles. Donc son compositeur. Ouais, son compositeur Pierre Papa Diamandis. Que l'on retrouvera pendant. Bah, qui est toujours là. Très longtemps, et... toujours maintenant. Ouais, donc c'est le premier morceau d'une longue collaboration. Après, ils ont signé quasiment tous les classiques que les gens connaissent, c'est eux deux qui les ont faits. Et donc, ouais, j'en avais déjà parlé de Pierre Papa Diamandis, je crois, dans ma playlist, vite fait. Vu que j'avais foutu un titre d'Eddie Mitchell dans la mienne. Oui, t'avais passé le moment. Ouais, titre que j'aurais certainement remis dans cette playlist si je ne l'avais pas déjà remis. Si je ne l'avais pas déjà mis, oui, mais bon. Non, tu peux pas. Parce qu'elle est tellement au-dessus de moi, elle est tellement au-dessus des autres pour moi, celle-là. On peut rappeler que 66, c'est l'année de sortie de La Grande Vadrouille, sortie le 1er décembre 66. Et bien sûr, oui. Et c'est donc une très bonne année. Et donc, même si effectivement, ce n'est pas tout à fait les tout premier pas, on va dire, d'Eddie sur la scène. 66 étant une bonne année, on s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre ce titre. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour placer La Grande Vadrouille et emmerder Barberousse. Voilà, c'est tout. C'est surtout que c'est une très belle chanson qui a, ici, qui a ensuite repris sur scène certaines fois. Pas toujours, pas à tous ses concerts. La dernière fois que je suis allé le voir, il ne l'a pas chanté. Si, il l'a chanté. Ouais. Mais il la chante dans une version beaucoup plus épurée, beaucoup plus romantique, on va dire, parce que maintenant sur scène, il la fait vraiment que avec le piano quasiment, ou avec même des fois des violons, pour encore rajouter au côté dramatique, il la fait moins rythmée. Donc cette première version des années 60, bah, en fait, correspond bien à son époque. Enfin, il y a un arrangement au niveau des instruments, tout ça, qui correspond bien aux années 60, parce que le thème est... Oui, sympathique, l'amour, tout ça, l'amour triste, mais... Mais il a toujours été crooner, ou il a vraiment plus commencé rock? Ah bah non, il a commencé rock, hein, plutôt. Il a commencé en s'inspirant et... De La Grande Vadrouille, bien sûr. Non, mais tu vois, même quand je pars pour ne pas dire des conneries, tu veux me les faire dire. Non, c'est Eddie Mitchell, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi son nom, on va dire, avec une petite consonance... absolument pas germanique, mais qui pouvait sonner un petit peu américaine, c'était justement parce qu'il aimait ce rock américain et qu'il pensait que pour lui, un bon rocker était un rocker américain. C'est pour ça qu'il essayait de la faire un petit peu en mode... comment dire dans le style américain, donc vraiment un petit peu exagéré par moments, des trucs comme ça. Alors par contre, son pseudonyme, il le tire de Eddie Constantine, qui est un chanteur français par contre pour le coup, et de Robert Mitchum, un acteur américain célèbre des années 50, qu'on peut voir dans... pour ceux qui ont vu Le Grand Détournement, enfin La Classe Américaine, il est dedans. Et il a une... Mais il joue quoi? Alors par contre, le rôle spécifique de Robert Mitchum dans celui-là, je crois, j'ai plus le truc en tête, je t'avoue. Et sinon, pourquoi ne pas avoir commencé par les chaussettes noires? On se l'est demandé au départ. On s'est même demandé si c'était pas un petit peu dommage de prendre un titre de 66 alors que ses premiers albums datent de 63. En solo. En solo, avec les chaussettes noires, c'est encore avant. Et avec les chaussettes noires, voilà, donc il n'était pas... On s'est demandé, sincèrement. Mais en fait, on a voulu, après, essayer de bien répartir selon les années, parce que c'est vrai qu'instinctivement, on a eu un peu des sortes de coups de cœur qui nous sont venus. Mais le souci, c'est qu'on n'aurait pas vraiment balayé toutes les époques. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était essayer de bien répartir donc nos 10 titres... du début, on va dire, des années 60 aux années 2000-2010. Donc pour essayer de bien répartir, donc on a pu choisir juste deux titres dans les années 60. Et donc une fois qu'on a eu la liste devant deux nous, titres, ouais. Deux titres dans les années 70, 80, 90, enfin, deux titres par décennie, quoi, en gros. Voilà, et en fait quand on a eu tous les titres devant nous dans les années 60, j'ai oublié de l'oublier en l'occurrence, c'est vraiment celui qui nous a un peu sauté aux yeux. On s'est dit ouais, mais celui-là faut le mettre, parce que après c'est vrai qu'au tout départ on s'est dit est-ce qu'il est pas un petit peu trop connu, est-ce que ce serait pas un classique, mais après Ça, c'est un petit peu délicat parce que forcément, ceux qui connaissent déjà bien Eddie vont dire, bah oui, c'est connu, mais bon, après, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Eddie, ou alors ceux qui le connaissent connaissent juste par couleur mentale. Donc au final... T'imagines même pas le nombre de doigts virtuels que je suis en train de te faire. Parce qu'en fait, c'était un petit pic lancé à Barberousse, parce que c'est sûrement le... Tu me lances même plus des pics, tu me lances des troncs. Alors... Non, des faux. Une petite faux. Je te balance une faux comme un boomerang, sauf qu'elle enchaîne ne me revient chacal. Pas. Mais en l'occurrence... Bah merde, avec vos conneries, j'ai perdu, j'ai perdu ce que je voulais dire. On a choisi celui-ci parce qu'on avait le choix donc, de n'en prendre que deux dans les années 60. Et alors personnellement, j'ai oublié de l'oublier, j'ai même pensé, on va dire, en titre un peu bonus, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup celle-ci. C'est sûrement une de celles que j'ai entendues quand j'ai commencé à découvrir Eddie. Et puis même, elle est très belle, elle marque bien quand même ces années 60 avec un petit peu les chansons romantiques comme ça. Ça me revient à ce que je voulais dire en fait quand on parle, c'est que tu parlais des gens qui connaissent ou qui connaissent pas bien le schmoll. C'est-à-dire que cette chanson-là, moi en fait, je la connaissais pas avant qu'on offre à mon père le double live de sa dernière tournée, enfin qui était censé être sa dernière. Vous remarquerez comment Fox se la pète encore une fois en mentionnant ce qu'il a vu en concert, ce qu'il a en CD, etc. Ben, non. Je dis juste ça comme mais ça. Non, hein. Mais c'est parce qu'en fait, quand ils ont offert ce CD-là à mon père, bah donc du coup je l'ai écouté et puis il y avait des chansons que je connaissais pas. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître un petit peu, donc ça remonte à 2011-2012. Et il y avait donc du coup la version live juste avec le piano de cette chanson-là, mais que j'avais jamais entendu avant à la radio, quoi. Même sur Nostalgie ou quoi, généralement ils passent tout le temps les mêmes. Et celle-là, je l'avais jamais entendue. Donc du coup, sur cette base-là, je me suis dit que c'était peut-être pas autant un classique que ça, vu qu'elle passait pas souvent à la radio, ou alors je l'ai tout le temps loupé, je ne sais pas, mais... Et toi, Iggy, comment t'as pris connaissance de l'existence d'Eddie Mitchell? Comment tu l'as rencontré? Oh la vache. Bah, il sortait d'un resto. Voilà, il est passé devant la maison. Voilà, il est passé devant la maison, il faisait chaud, je venais de faire une tarte au citron meringuée et je lui ai dit, tiens, tu veux une part? Mes frères n'en veulent pas. Et bah, du coup, de là, bah, pour me remercier, il m'a offert un CD. Et puis après, bah, j'ai acheté la suite, quoi. Quoi, en fait, ouais. En toute simplicité. Mais elle est très jolie, cette chanson. Elle est très, ne serait-ce que mélodiquement parlant, au niveau des arrangements. Puis bon, elle est toute jolie, les paroles, la voix avec prend pour la chanter. Les paroles, la musique, elles sont un petit peu déchirantes aussi, quand même. C'était la chanson. La mélodie. Ouais. Oui, mais encore une fois, là, on revient au même principe que pour Simon Garfunkel. C'est pas parce qu'un truc est triste pas beau. Et, ah bah non, ça rend quand même tout joli. C'était la... Est-ce que quelqu'un peut jeter des pierres aux mauvais élèves au fond de la classe? C'était la chanson préférée de sa première femme. Ah. Avec qui il a divorcé fin des années 70. Parce que le divorce, c'est bien. Divorcer. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais bon. Bien, t'as deux fois plus de cadeaux. Donc c'est paru sur cette chanson est parue sur l'album Seul en 66 et donc c'était. Barberousse, ça marche que quand t'es enfant, quand t'as pas double cadeau quand t'es divorcé, tu sais. J'ai double cadeau, je vous ai eu tous les deux. Non mais sérieux. Non, ça c'est double punition, ça. Voilà, exactement. Pour ça qu'on va passer à la chanson suivante. Il y a la bonne, il y a le bon élève et le mauvais élève. Voilà. Chanson suivante, Alice. Sur l'album De Londres à Memphis, 1967. Cette deuxième-là en particulier. Encore une chanson triste qui parle d'une femme, encore. Non, c'est pas si triste parce que il continue à l'aimer, mais il le dit pas de manière trop plaintive par rapport à la première. Parce que bon, pour la première, pour le coup, il l'a quittée. Là, il cherche son amour. Bah de toute façon, les thèmes des... Mais c'est pas cherché dans mais le sens... Mais il avait quitté en 70. Non, fin 79. Fin des années 70, ah, ça... je vais dire. Ah, donc là, on est en 67, donc il l'a pas encore Non, quitté. Non, mais de toute façon, je crois pas que sa première femme, elle s'appelait Alice. Parce que, le saviez-vous ? En fait, le prénom Alice fait référence au Alice au Pays des Merveilles. Ah non, ça, tu reconnais bien encore de toute façon le son de l'époque hein, quand même, hein, avec les petits cœurs féminins très, derrière. Très marqué, ouais. Hein. Ouais, c'est très marqué, mais ça passe bien encore quand même. Alors par contre, le titre de l'album, il est un peu mensonger, hein, parce qu'il n'a pas enregistré une partie des titres à Memphis, mais en Alabama. Bah, donc du coup, de toute façon, les thèmes des chansons des yéyés, donc ceux qui ont commencé vraiment au tout début des années 60, si t'écoutes quasiment toutes les chansons, ça parle de nana pour les mecs et de mecs pour les nanas. Hein, donc... C'était le thème à aborder pour intéresser les jeunes gens dans non, le vent de l'époque. Non, c'est pas vrai, t'avais aussi la mort. Ouais, c'est vrai. C'est la drogue, c'est varié. C'était différent à l'époque. Non, mais c'est pareil pour les Beatles. Bon, on en fait tout un foin des Beatles, mais si tu analyses les paroles, c'est pas beaucoup plus poussé que ça non plus. Hein. C'est même pas trop poussé au final, les Beatles. Hein. Ouais, non, ouais. Quand on regarde, il y a les deux tiers de la chanson qui sont en fait les refrains, et après c'est hey hey hey. Donc c'est. Enfin non, oh la vache, je vais perdre des ennemis là. Ce magnifique résumé des Beatles, c'est en trois phrases, c'est une chanson et hey hey hey. Merci. Non, mais après, je dis pas, il y en a des biens, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Mais il était bien cet album du coup. Il y en a des biens, j'ai aucun problème, j'ai un ami Beatles. Mais il était bien cet album du coup, parce que c'était... J'ai même un ami qui écoute les Beatles et qui est roux. Donc vous imaginez un petit peu... On essaye de faire sérieux là. Pour revenir sur Eddie s'il te plaît. Et donc, c'était une de ses premières occurrences, vraiment de s'inspirer de la musicalité anglaise ou américaine en allant enregistrer directement sur place, donc, une des premières expériences, j'ai pas dit forcément la première. Et donc du coup, à chaque fois, il y a une partie de l'album qui est très influencée son british et l'autre américain, parce qu'il y a à chaque fois un orchestre différent. Et il y a une certaine homogénéité dans cet album. Et Alice, c'est le dernier titre si on compte pas les rééditions, si on compte pas les bonus de la réédition CD. Et du coup, il conclut bien le truc. Mais ça se fait assez souvent comme ça d'aller enregistrer aux États-Unis ou ailleurs, parce que je pense qu'en 67, il commençait déjà à avoir vraiment beaucoup de succès. Ouais, non, mais ça se faisait beaucoup, mais surtout à l'époque, pour les jeunes yéyés, c'était de toute façon l'Amérique. Les jeunes rockers, les jeunes rebelles, les jeunes blousons noirs. C'était un petit peu le rêve, quoi, d'y aller là-bas. Mais c'était surtout le fait d'aller enregistrer avec les musiciens étrangers, quoi. Qui eux ont été baignés dans la culture et pouvoir desservir en France un son d'outre-Atlantique, mais avec des paroles françaises. Et pouvoir rouler sur les routes de Memphis aussi, ne l'oublions pas. Et du coup, moi j'aime beaucoup cette chanson, parce qu'elle sonne très bien, elle n'est pas tellement plaintive que ça. Y a des passages un petit peu plus, tu vois, rentre dedans, quoi. Il l'a pris de venir le chercher, ouais, mais... Mais après, je trouve aussi dans cette chanson, ce qui est sympa, c'est que on a vraiment l'impression qu'il prend ses marques et que pas il s'impose, mais presque. Là, je trouve que surtout sur celle-là, tu te demandes pas, ah oui, tiens, qui est-ce qui chante cette chanson ? Enfin, tu reconnais directement. Et j'ai l'impression un peu qu'il prend ses marques, qui se trouve, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup, même avec les chaussettes noires, il a fait énormément de reprises, beaucoup de reprises, et même dans sa carrière il a fait beaucoup de reprises, que ce soit des titres français ou américains d'ailleurs, mais là ça fait plus, là je trouve que chanter comme ça, je trouve qu'on le découvre lui. Si tu veux, après les années après 65, enfin à partir des années de 66-67, à peu près tous les chanteurs yéyés, bah donc lui compris, il commençait justement à sortir des cadres yéyés, si tu veux. Donc essayer d'évoluer un petit peu vers une musique un tout petit peu plus un tout petit peu plus, comment je pourrais dire, plus personnel, plus réfléchi, tu vois, plus composé, et pas se baser sur 3-4 accords et puis dire je t'aimerais toujours, la. Parce que l'amour, c'est beau. La vie n'est qu'un jeu pour toi, Oui, voilà, enfin, tout des trucs comme ça, mais de toute façon, parce que tous les thèmes étaient souvent les mêmes. Et donc, du coup, il y a plus. En plus, cet album-là, on a hésité avec Alice aussi, parce qu'on pensait aussi que c'était un classique. Enfin, on savait pas trop si c'était un classique aussi. Et il y en avait. Ça, c'est le souci, étant donné qu'en fait, on connaît, on se rend pas trop compte de qu'est-ce qui est un classique ou qu'est-ce qui ne l'est pas, à part les vrais gros classiques du genre La Dernière Séance. Il y en a beaucoup sur lesquels on s'est demandé, oui, mais celle-là, moi, j'ai écouté pas mal, donc j'ai bien entendu, elle me paraît. Mais là où j'ai un regret sur le choix des chansons, c'est que les deux premières qu'on a choisies des années 60, en fait, elles sont représentatives des années 60 dans le sens où ça parle de Nana, en fait, les deux chansons qu'on a choisies. Alors que déjà, à l'époque, il écrivait des chansons plus personnelles et qui parlaient d'autres choses. Par exemple, sur le même album, là, de Londres à Memphis, il y a une chanson où il parle de... Il s'appelle « Mon père avait tort », je crois, qui, en fait, où il parle de la déception des espérances que les parents leur donnent, tu vois, en disant « Le monde est beau et le monde est gentil », et en fait, en grandissant, il se rend compte que non, c'est des pourris. Voilà, donc t'as plein d'autres thèmes. Sur l'album seul aussi, t'avais une chanson qui s'appelait « La société anonyme », où il parlait de... De fiscalité et de création d'entreprise, c'était vraiment très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Cette chanson-là, on a d'ailleurs hésité aussi à la mettre, parce qu'elle est très bien aussi. Et justement, c'est ce qui nous a fait hésiter avec les deux, parmi ces deux-là, c'est parce que Alice reprenait un sujet, on va dire, qu'on avait donc déjà traité avec la chanson d'avant, et que justement, celle-ci pouvait donner un peu plus, une autre image que juste le romantique. Mais ça nous faisait chier d'avoir deux chansons du même album pour toute la décennie 60, quoi. Alors qu'il en avait fait, une tonne, quoi. Une bonne dizaine. Ouais, presque une bonne dizaine. En plus, il en a sorti deux par an en 63, 64 et 66, je crois. Et après, il en a sorti une pratiquement tous les ans. Et du coup, en fait, là, pour l'instant, on s'en rend pas compte. Peut-être qu'on verra un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment un mec qui, quand il écrit ses paroles, il puise un petit peu dans l'actualité. Parce que justement, avec Société Anonyme, c'était le début des grosses boîtes qui commençaient un petit peu à prendre le salarié pour un con, quoi, tu vois. Le centraliser. Donc, voilà. La consommation un peu trop excessive commençait déjà. Mais musicalement parlant, j'ai oublié de l'oublier, et seules, elles sont assez. Elles sont vachement bien construites, et puis elles restent en tête, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on les a privilégiées, même si les thèmes n'étaient pas forcément très divers et variés, dirons-nous. Mais est-ce qu'il est longtemps resté bloqué comme ça aux chansons d'amour, aux chansons de femmes, la mélancolie, tout ça Pas tellement, c'est surtout... On en retrouve dans toutes les époques. Ouais, mais avec plus ou moins de... Enfin, plus ou moins d'occurrence, quoi. Oui, voilà. Et c'est pas... Même si c'est le même sujet, ils les traitent pas pareil. De toute façon, même encore aujourd'hui, même des artistes des années 2000-2010, ils font encore des chansons sur l'amour et les nanas et les mecs, hein. Donc, mais on va dire que vu que c'était un thème facile... Enfin, je sais pas si c'est si facile que ça d'écrire une chanson d'amour ou qui parle de nana ou de mec. Mais comme c'était un thème qui revenait souvent et qui plaisait aux jeunes qui voulaient s'émanciper dans les années 60, il n'y a pas encore eu mai 68, hein, au moment de l'album. Donc le rock'n'roll, c'est encore quelque chose d'assez... mal vu par les parents. Enfin, commence à être accepté, mais difficilement. La révolution Elvis n'était pas encore passée par là. Si, la révolution Elvis, justement, elle est passée par là, mais auprès des jeunes. Et les parents, eux, les parents et les grands-parents, puis les politiques, eux, ils voient ça d'un très mauvais œil. C'est que ce soit en France ou dans les années ou aux États-Unis. C'est aux États-Unis, au tout début du rock'n'roll, avec Gene Vincent, Eddie Cochran, Elvis Presley, tout ça. T'avais des radios qui, pour provoquer ça, pour dire que c'est pas bien le rock'n'roll, ils cassaient les disques de rock'n'roll. Puis ils disaient, c'est de la dynamite, c'est une musique de nègre. Tu vois, donc... Vive Luis Mariano, ça allait loin la propagande à l'époque. Et voilà, ouais. Et donc du coup, pour les jeunes, c'était le début de la liberté. tu veux, mais... Mais il parlait vraiment pas que de que d'amour dans ses chansons, même sur, encore une fois, De Londres à Memphis, là, ça me revient. Il y a une autre chanson qui est « Le bandit à un bras ». Bah ça, c'est pas vraiment une chanson romantique non plus, quoi. Ça n'a même rien à voir avec. Et déjà, enfin, déjà dès ses débuts, il avait déjà, on va dire, l'envie de faire d'autres choses que juste je t'aime, moi non plus. Mais je crois qu'on sous-estime beaucoup l'influence qu'ont eu les yéyés sur la société dans les années 60 pour ce qu'on a eu aujourd'hui, quoi. Enfin, je dis pas que s'ils avaient pas été là, le monde aurait pas été pareil, mais bon, bah, tu sais, ils ont participé à commencer à faire rentrer la musique anglo-saxonne en France sous couvert de reprises. Parce que au tout début des années 60, tu disais ouais, non, mais tu parlais de John Lennon et Paul McCartney à la française au tout début des années 60, ils savaient pas qui c'était. C'est après que ça a commencé à venir grâce justement à l'impulsion des yéyés et de la musique qui a pu s'émanciper et commencer à faire son chemin. Donc alors c'était pas la censure totale non plus, faut pas déconner, mais bon ça avait encore du mal à passer, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des chansons quand même qui étaient déjà même à l'époque, même dans les années 60, etc., qui prenaient déjà parti et pas que pour Eddie Mitchell, quoi. Ça c'est sûr et certain. Il y a des chansons, on va dire, très très critiques envers la société qui existaient déjà. Mais pas forcément même envers la société, mais tu regardes des chansons aussi innocentes que Michel Polnareff avec L'amour avec toi. Bon, tout le monde connaît l'histoire. En 66, L'amour avec toi, c'était... Tu connais pas l'histoire ? Oh merde. Ah non, en fait, L'amour avec toi, bon, t'as déjà dû entendre la chanson quand même. Ouais, bah en fait, c'est juste qu'à un moment donné, dans le refrain, il disait « J'aimerais simplement faire l'amour avec toi, Bah, juste pour cette phrase... J'ai dû entendre Mais juste pour cette phrase-là, en 66, l'année où elle est sortie la chanson a été interdite de radio, il la passait pas avant 22h. Ah ouais. Voilà. Ah bah à l'époque, ça allait loin. À l'époque, un film porno, ça se résumait à une fille qui rougit quand un mec l'embrasse. Hein. C'est qu'on va dire, mais c'est vrai. Après, il y a eu mai 68, la révolution sexuelle, tout ça, donc ça a pu mieux passer, mais juste pour un petit « j'aimerais simplement faire l'amour avec toi », ça pouvait aller jusqu'à la censure. Et maintenant, nous avons la chance d'avoir du rap et des grands poètes d'aujourd'hui qui disent « Ouais, je te baise ». Alors, avant de passer en mode vieux con, on va passer une nouvelle décennie. Ouais. On va passer en 1900. J'explique juste quand même ce que je pensais par les chanteurs qui s'impliquent et qui critiquent, on va dire, la société, etc. C'est parce que je pensais juste au poinçonneur des Lilas de Gainsbourg. Ouais, mais même et ça, c'était années 50, ça. Ouais, c'est 59. Et 59 ou 58 d'ailleurs. Et déjà là, on avait quand même une bonne critique et ça parlait pas du tout de je t'aime moi non plus. Bon, après, les Américains, ils avaient Bob Dylan ou des trucs comme ça, quoi, avec des chansons, des ouais. Protest songs. Quoi. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, on va aller dans la deuxième décennie, années 70, avec 1971. Bah, apparemment, seulement 45 tours au départ, c'est l'accident. Ouais. J'entendis l'horrible choc provoqué par l'accident. J'ai bondi bousculant des personnes qui restaient là les bras ballants. J'avais peur de savoir, j'avais peur de te voir couché là étendu, brisé et presque nu. Et tu es là, c'est toi, l'accident ne t'épargne pas. C'est presque nu. Pourquoi le ciel a-t-il voulu? Alors ça y est, il s'affirme. Bah, un peu plus puissant, un peu plus costaud. Il s'affirme, et pourtant, justement, on a trouvé intéressant de prendre cette chanson-là parce que la première moitié des années 70, ça correspond à une période de moins bien pour lui. Même de bof, parce que c'est du moins bien pour lui. Pourtant, les chansons sont bien hein, quand on regarde, mais ça a beaucoup moins bien marché pour lui. C'est juste qu'en fait, il tentait justement un nouveau truc. Donc, en fait, cette chanson-là, c'est une reprise. C'est une reprise d'une chanson qui s'appelle bon, je te le dis en français parce que j'ai un accent anglais de merde, qui s'appelait The Accident. Non, qui s'appelait Véhicule. et qui était chanté par un groupe qui s'appelait The Ride of March. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon. Et qui a été le plus gros succès rapide de la Motown, en fait. C'est la chanson qui avait eu le plus de succès rapidement chez la Motown, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, c'est une reprise. Et en fait, justement, on parle de s'émanciper, de s'imposer, parce qu'il tentait de nouveaux trucs. C'est-à-dire que début 70, la mode, ça commence à être le rock psychédélique, le rock progressif. Et donc, du coup, il va chercher un petit peu à se... Enfin, il va suivre un petit peu cette piste, quoi, pour tenter des trucs. Et donc, du coup, on a eu des titres comme ça, comme L'Accident. Et du coup, qui changent vachement par rapport au reste de sa discographie. Il change tellement que là, j'aurais quasiment pensé, imaginer que c'était Johnny qui chantait. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que quand j'ai... Est-ce que tu as déjà entendu une chanson de Johnny? Le film faisait penser à... Non, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je pouvais confondre Johnny et Eddie. Même si Test, sur celle-là où on entend quand même le crooner, quoi. Je trouve qu'il... Regarde, là, tu vas quand même pas me dire que Johnny fait ça. Il y a quelque chose, une intonation, une énergie, il y a quelque chose, je vois Johnny là. C'est pas plutôt la musique qui te fait penser ça, parce que justement, ça fait un peu rock. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Moi, ça me fait penser à du Johnny. Ouais. Ah bah, au moins, tu penses à des bonnes choses. De Johnny, etc., etc. Moi, ça me fait penser à du Johnny. Ouais, mais en bon, en non, bon. Mais de toute façon, pas tu bon, vois là, Johnny partout. Mais est-ce que c'était la même époque que Johnny? Bah, en même temps, ils sont contemporains, donc. Oui. Est-ce qu'ils ont pu rentrer en collision comme ça? Bah, collision ou accident. Non, mais je veux dire, le succès de Johnny aurait pu marcher sur les pieds du succès d'Eddie Mitchell. Non, ils se sont jamais vraiment marchés sur les pieds, parce que c'est... Mais puis c'était pas la même chose. Ouais, hein. Ça se rapproche, mais c'est pas la même approche. Donc du coup, c'est pas le même public. C'est même pas du tout... c'est même pas du tout le même public, parce que... comment... Enfin, du genre, tu prends maintenant, Johnny, il est très dans la grande mise en scène, etc. Ouais, alors que Eddie, c'est plus quand même non. C'est plus crooner, quoi. Ouais. Oui. C'est vraiment arrivé sur scène avec le big band et puis le costard, là, en l'occurrence cette année, quoi. Et tandis que Johnny, il va te faire arriver avec une tonne de fumée, limite la fumée qui va avec et les petites flammes pour vraiment en mettre plein la vue. Mais c'est pas les mêmes. Mais en l'occurrence, à l'époque, en fait, ils ont essayé tous les deux de prendre le virage rock psychédélique. Sauf que ça a mieux marché pour Johnny que pour Eddie. Mais donc du coup, après, voilà, dans ces premières moitiés 70, tu te retrouvais avec des chansons un petit peu comme ça qui envoyaient quand même. Donc ensuite, ils l'ont foutu en version bonus sur la réédition de l'album Rock'n'Roll. Qui n'avait pas marché. mais voilà, donc tu vois, là, en l'occurrence, ça parle pas d'une nana spécifiquement. Enfin, si, parce que c'est une nana qui a l'accident, c'est la nana qu'il aime, mais du coup, il traite en même temps des répercussions qu'a l'accident sur le proche. Pas juste du je t'aime non plus. Ouais, mais c'est assez intéressant, du coup, en fait, il raconte plus ou moins qu'ils se sont engueulés un petit peu avant, que du coup, elle est partie et. Elle est partie en colère et que elle a paf le chien, quoi. Ils veulent l'épée un peu moins bien s'il manque des organes. Voilà, quoi. C'est ça. Mais donc, du coup, en arrivant sur le lieu de l'accident, il se rend compte que c'est elle, et puis c'est là qu'il se refait toute l'histoire. Elle se dit putain, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi. Puis bon, donc, du coup, à la fin, la nana elle est sauvée. Je regrette. Voilà, la nana elle est sauvée et il est heureux, mais ça. Mais ça n'empêche pas, tu vois, il dit j'ai mal, si mal que tout au monde m'est égal. C'est lui qui avait écrit cette chanson-là? Je crois que c'est lui les paroles, il faut que je revérifie. Ouais, Enfin, c'est lui qui a adapté cette chanson. Ouais, je crois que c'est lui les paroles. C'est pas rare que ce soit lui qui... Papa Diamantis? Non, c'est rare que ce soit pas lui qui écrive les paroles, ça arrive, hein, mais... Puis là, j'ai pas mon exemplaire, j'ai pas mon CD pour vérifier directement les crédits... à l'intérieur. Désolé, ils sont en Lorraine. Je suis actuellement dans... Non, mais je suis désolé, c'est pas sérieux. Je suis actuellement dans... Déraciné, ouais, de ton Paris. Ben non, je suis actuellement dans le coin de Paris. Je suis déraciné de ma Lorraine. Est-ce que vous savez pourquoi Elle a juste été disponible en 45 tours. Elle n'a jamais été jusqu'à un album, à part le... C'est parce que c'est une technique commerciale de l'époque, si tu veux. C'est pour vendre plus de trucs. En fait, je suppose que ça devait être une phase B, parce que du coup, j'ai jamais mis la main dessus. Mais à l'époque, tu vendais donc, le 33 tours, mais avant de vendre le 33 tours, tu avais les singles donc, qui sortaient en 45 tours. Donc, tu avais la face A et la face B. Et c'était pas rare à l'époque pour être sûr de vendre le 45 tours, de mettre en face B une chanson qui sera pas sur le 33 tours. Et même après que le 33 tours soit sorti, ils mettaient quand même une chanson qui n'était pas sur le 33 tours pour justement rajouter le petit côté « Ah, la chanson, elle y est pas sur l'album, il me faut sur le 45 tours, même si t'as que deux chansons ». Puis à l'époque c'était pas cher du tout. Hein. Bon, alors en fait, en gros, un 33 tours, c'est le vinyle, c'est le gros vinyle que t'as, donc l'album complet où tu as 9-10 chansons en moyenne, tu vois. Le truc qui fait la taille d'une pizza. Le 45 tours, c'est un disque plus petit sur lequel il y a une face A, une face B. Sur la face A, il y avait une chanson. Sur la face B, il y avait une autre chanson. Des fois, il y en avait deux. Ouais, mais il fallait qu'elle soit vraiment très courte. Non, mais attends, le brouille pas encore plus. Simple, s'il vous plaît. Et donc, du coup, avant que le gros disque ne sorte, il vendait déjà en preview, si tu veux, les 45 tours sur lesquels il y avait une ou deux chansons de l'album qui allait sortir. Avant et après que le gros album soit sorti. Et c'était pas rare, du coup, que sur ces petits 45 tours, sur la face B, ils mettaient une chanson qui n'allait pas se trouver sur le gros album. Mmh. Voilà. C'est une technique, justement, pour être sûr que le 45 tours, il ne soit pas considéré comme tout à fait inutile parce que sur l'album, il y aura plus de chansons. Donc, le 45 tours, ils te le vendaient pas trop cher, et en face B, il pouvait y avoir une chanson qui n'allait pas être sur le gros album pour ajouter encore plus l'intérêt de l'achat, quoi. Ok, c'est comme les singles. Voilà, c'est un peu, bah, tu sais, comme, ouais. comme les CD de titres qu'il y avait en 90-2000, voilà. Bah, c'était l'évolution du 45 tours, si tu veux. Mais il y avait cette fameuse platine qu'il fallait faire tourner à deux vitesses différentes. Voilà, t'avais la vitesse 33 tours et la vitesse 45 tours. Sinon, si tu confondais, ça donnait rien. Si, ça donne quelque chose ouais, de... Mais... Non, ça donne quelque chose de marrant, parce que si tu écoutes un vinyle 30 tours... C'est moche. Non, mais si t'écoutes un vinyle 33 tours de Jacques Brel en le mettant en 45 tours, t'as l'impression qu'il a la voix d'Edith Piaf. Par contre, l'inverse, c'est un peu plus violent. Ouais, mais... Je vois la vie en rose... Une valse à 10 000 temps, oui, c'est allé très très vite. Une valse à 3 temps, c'est chantant. Parce que quand t'inverses, il y a un côté, ça fait plus rapide et l'autre plus lent. Je sais plus lequel est lequel. C'est vraiment un truc de vieux. Alors vraiment désolé aux jeunes qui nous écoutent. Techniquement, t'as dû les connaître les vinyles, toi, quand même. Oui, mais je pense aux gens qui nous écoutent. Ouais, bah bon, ouais. Mais c'était pas en 78, comme Il ne rentre pas ce soir sur l'album Après minuit. Oh, la magnifique transition. Le nom du titre qui était avec l'accident sur le 41 tours, c'est Les vieux loups. Voilà. Ah oui, oh la vache. Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offerte. Alors, juste à côté du titre de cette chanson. Alors là, juste gros, chute. En majuscule, classique. Chute. Je ne passerai pas. Non, chute. Faut bien qu'on parle quand même. Non, attendez. Un peu de respect pour cette musique. C'est ma musique chouchou, alors un peu de respect. Pourquoi c'est ta musique chouchoute ? Ou chouchou ? Mais écoute ! tu la connais par cœur. Pourquoi oui, c'est ta musique chouchou? Parce que c'est la première que j'ai connue par cœur. Ah bah voilà. Alors comment tu l'as connue celle-là? Alors ça n'a pas dû être la première que j'ai entendue, mais ça devait être un petit peu au moment où j'ai découvert et... Oh, ça me perturbe de parler dessus, je suis désolée, mais elle est très bien cette chanson, je vais te chanter les paroles en même temps. Ça sera enregistré. Laisse-la. Tu veux que je parle? À la place. Non, non, parlez pas. Bah, on peut... Il faut, ouais, parler. Il faut parler. Fox. Non. Bah, donc du coup, ça... Non. Bah, non, bah, celle-là, on l'a choisi comme notre classique, en fait. Non, mais on peut pas ne pas parler. Oui, oui, donc du coup, celle-là, c'est la classique qu'on a choisie, parce que ça fait vraiment partie de ces classiques. Bah, du coup, je la laisserai expliciter quand même de pourquoi elle est tellement bien, parce qu'elle l'apprécie beaucoup plus que moi, même si je l'apprécie beaucoup. Mais c'est encore un exemple de... Bah, là, c'est encore lui qui l'a écrite avec ses petites mains. C'est encore un exemple de sujet de société qu'il aborde. C'est-à-dire que donc, la chanson elle sort en 78, on sort des 30 Glorieuses, on va commencer les piteuses. Et donc du coup, c'est le début du moment où les gens ils se retrouvent au chômage, ils se retrouvent virés, et donc du coup, sujet de société, il parle justement dans cette chanson d'un mec qui vient de se faire jarter de sa boîte parce que trop vieux. Et du coup, ça entraîne toutes les questions qui relatives au chômage, c'est-à-dire que bon, bah, est-ce qu'il réussira à trouver du boulot, et puis comment partir en vacances, les gosses, tout ça, l'avenir des gosses. Et du coup, ça raconte l'histoire de ce gars qui pense ça et qui a pas envie de rentrer chez lui pour annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme. Quoi. Donc voilà, donc c'est quand même un sujet de fond, mine de rien, qui... Ah, difficile pour un crooner, un rocker. Ça ressemblait pas trop à son style au départ. Bah, c'est pareil en fait. De toute façon, chaque décennie a marqué son empreinte musicale, si tu veux. Il y a des arrangements musicaux qui se font chaque décennie qui sont assez reconnaissables. Là, c'est les petits accords de guitare, tu vois, la façon dont est jouée la guitare, tu sens bien les années 70. Oui, c'était violent quand même, ouais. Ouais, mais ça passe bien quand même. Bon, de toute façon, même t'écoutes la musique toute seule, tu ressens limite le poids de la musique avec les pam pam pam. Enfin, la musique va extrêmement bien avec les paroles et ça sent, ça fait une harmonie qui vraiment t'emporte, on va dire, dans le sujet et t'écoutes vraiment la chanson comme une histoire, quoi. Et tu la vis avec. Le sujet a beau être déprimant, la chanson est pas totalement déprimante. C'est-à-dire, tu déprimes pas avec le mec. Mais par contre, tu vis à côté, et tu t'imagines vraiment le mec, parce que il raconte vraiment ça comme une histoire. Enfin, tu raconterais ta soirée avec tes potes à quelqu'un, tu ferais le même principe. Alors je suis arrivé, je fais ça, après j'ai fait ça, après j'ai pensé à oui tiens, et puis en fait je suis reparti parce que il y avait ci, ça. Et là en fait c'est vraiment ce qu'il fait avec cette chanson, il décrit vraiment, t'as l'impression de le voir tellement il l'explique bien. Donc au départ tu sais pas de quoi il s'agit, mais tu vois déjà le mec un peu justement, et c'est la musique qui t'aide à t'imaginer ça comme ça et pas juste le mec qui écrase sa cigarette parce qu'il est heureux. Là vraiment tu vois le mec limite aller en piétinant etc. grâce à la musique, mais il te le dit pas direct, c'est la crise. Il t'explique d'abord un petit peu déjà l'image qu'on est censé voir, et après il te dit clairement ce que lui a entendu dans la journée, un petit peu comme un flashback. Et t'as le truc fatidique qui tombe, et j'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi, une multinationale s'est offerte notre société, et du coup vous êtes remercié. C'est pas ça exactement, mais sinon ça allait être trop long, tu allais me couper. Et bah, il lui dit vous êtes dépassé, donc vous êtes trop vieux, quoi. Oui, mais c'est parce que j'ai raccourci vous êtes dépassé, et du fait vous êtes remercié, ouais, non, mais... et vous êtes remercié. Ouais, tant pis, du coup ça aurait été complet. Et donc voilà, ça, tu revois le mec qui est en train de penser de revoir ce flashback, tu le vois, on va dire, dépité de par la nouvelle, et puis il sait pas quoi faire, quoi. Et donc tu vois les paroles à une multinationale, donc c'est on va dire en plus les années 70, comme a dit Fox, c'est la fin des 30 Glorieuses, donc on va dire que le commerce devient plus mondial que international. Et du coup, bah, licenciement, on va faire travailler, enfin, on va exporter, importer, etc. Mais on s'embête pas à garder des employés si on peut trouver de la main-d'œuvre moins chère ailleurs, etc. Et tu imagines vraiment, en fait, le gars dans ce contexte-là, le gars aussi qui sait pas non plus comment faire, parce que, Il te dit pas en fait que le gars doit annoncer ça à ses proches, à sa famille. Il doit annoncer ça à son banquier et à sa femme. Donc à son banquier, ben parce que argent, et à sa femme parce que dans les années 70, t'avais pas encore beaucoup de femmes en fait qui travaillaient. C'était l'homme qui était censé ramener le pain à la maison, et du coup il voyait pas comment il allait faire parce qu'il se sentait responsable de ça. Et ça te montre aussi donc un petit peu le changement d'époque, parce que maintenant, que ce soit l'homme ou la femme qui perdent le boulot, bah c'est dramatique dans les deux cas. Tandis que là, si l'homme dans les années 70 perdait le boulot, bah, il n'y avait plus aucun revenu parce que c'était le seul à travailler. Et la musique, mais la musique aide beaucoup là-dessus quand même, parce que tu vois, ça sent, tu vois, c'est, quand t'écoutes, bon, ça sent la clope, ça sent la grisaille, quoi, tu vois. Ouais, t'imagines bien le bar un peu miteux, c'est. Enfin, c'est vachement bien fait. Et dans le dernier refrain, justement, tu vois le mec qui a donc eu ce flashback, etc. Et là, il se rend compte de tout ce qu'il ne va plus pouvoir faire. Parce que même s'il ne sait pas comment il va l'annoncer, bah, ils vont être au courant. Il va pas pouvoir, même si c'est ce qu'il voudrait, il voudrait traîner dans les bars jusqu'à la fin. Il va pas pouvoir cacher ça tout le temps à ses proches, et donc il imagine ce que va être sa vie, donc sans boulot, donc sans argent, donc ça va être fini les loisirs, que ce soit les vacances, les jeux, ouais voilà, ça va être comment vont faire les gosses, ça va faire toutes les emmerdes possibles dues au chômage, etc. Mais tu vois, c'est un bon exemple encore de... Bah, là, pour le coup, c'est la première chanson de société véritable qui passe de celle qu'on a choisie. Et c'est un bon exemple de sa méthode d'écriture qui dépeint un petit peu la vie de tous les jours, mais sans appuyer dessus, un peu de manière détournée. Et c'est assez fort quand même. Mais... Est-ce que dans ces années 70, sa carrière est en train de remonter ? Ouais, parce que en 76, il y a l'album Rockin' in Nashville qui l'a complètement relancé. 74. 74 ? Rockin' in Nashville, ouais. C'est 74. Ah, oui. 76, c'est La route de Memphis. Ah oui, j'ai compris. Autant pour moi. Mais donc du coup, Oh le clash ! Mais donc du coup, qu'il a complètement relancé parce que justement, il a abandonné le truc test. Ouais, le truc test, si tu veux. Il a abandonné ça en allant se ressourcer directement dans le coin du rock'n'roll, quoi. Donc à Nashville, il s'est dit bon bah, ce que veut mon public en fait, c'est du rock'n'roll, c'est du rock'n'roll pur. Donc du coup, il y a l'album en 74 Rockin' Nashville qui contient quasiment que des reprises de rock'n'roll. Donc il y avait À crédit en cerveau, voilà. Fume cette cigarette, c'est un piège, emmène-moi où tu veux, c'est un rocker. C'est... Ah non, ça l'os doit être une originale. Ouais, bah, mais c'est un rocker, c'est quand même devenu un de ses classiques maintenant. Bah, oui. Aussi, c'est La vie, mon chéri. Aussi, c'est pareil, voilà. Oui. Mais donc voilà, vraiment, c'est l'album du renouveau. Quoi. Enfin, du renouveau dans le truc ancien. C'est marrant, tiens. Du retour aux sources. Ouais. Et donc, du coup, ça a vachement remarché. Et après, le reste des années 70, il file assez tranquillement. Surtout qu'après, il y a toute une autre flopée de tubes qui vont arriver. La dernière séance. Ouais, la dernière séance, La route de Memphis, tout ça. Donc, après, il y a celle-là aussi. Il ne rentre pas ce soir, tu peux préparer le café noir, entre autres. Hein. Et c'est reparti, quoi, si tu veux. La parenthèse est passée. Je suis en train de lire un truc de fou, peut-être confirmé ou pas. En 1975, Eddie Mitchell est fait citoyen d'honneur du Tennessee, ambassadeur du Tennessee en France, ça va, et il est shérif de Nashville. Oui, si, ouais, j'avais déjà entendu. J'ai entendu parler de ça. Bon, c'est plutôt à titre honorifique, hein, mais... Ouais, mais ça pète, je suis désolé. Hein. Ah oui, ça pète, oui. ça pète quand même, faut avouer, ça, ça a de la gueule, quoi. Shérif de Nashville. Ouais, ça, oui. Ça, si, ça, j'avais déjà entendu. Et tu vois, mais c'était bien. Marrant quand même pendant cette période de moins bien, parce que justement, comme il savait pas trop quoi faire, il animait une émission de radio à un moment donné qui s'appelait En attendant que ça passe. Et enfin, ou, je sais plus si c'était spécifiquement En attendant que ça passe, mais c'était dans l'esprit là, c'était En attendant qu'arrive mieux, quoi. Et donc voilà, donc 78, il est relancé, Claude François est mort, et tout. Il a pris le poil de la bête, et on va arriver en 1984, on rechange de nouveau de décennie. Cette aussi, c'est un petit peu ma décennie, je le connais un petit peu plus, avec Comme quand j'étais môme, sur l'album Racine en 1984. Comme Hiti, je veux rester ici. Ice cream et sweet home, comme quand j'étais môme. Est-ce qu'il a gagné un peu comme ça son classique et surtout son côté mélancolique? En fait, au moment où il fait l'album, là, Racine, justement, il est dans une phase où il est un petit peu nostalgique. Donc, en fait, si t'écoutes tout l'album, Racine, ouais, tu sens le côté nostalgique. Là. Et puis, comme quand j'étais môme, c'est la première chanson, mais c'est celle qui décrit certainement mieux le truc. Mais c'est à partir des années 80, si tu veux, qu'il commence à avoir le côté crooner qu'on lui connaît maintenant, par contre. Mais pourquoi celle-là? Parce que... 80, alors là, on a galéré. Non, mais juste sur l'album. Juste sur l'album, on a galéré parce qu'il y a des très très très belles chansons pas dessus. Pas très connues. Il y a pas très connues, mais très très belles. À part le belles, blues du blanc. Ceux qui connaissent ouais, un peu. Ouais, puis après Pauvre Baby Doll, mais elle est en bonus. Ouais, un bonus sur la réédition, c'était. Ouais. Dans les derniers restants, on va dire, du premier tri, on en avait encore Rupture en VHS, mon clip préféré, on en avait encore plein, et on a eu beaucoup de mal à se décider, parce que cet album-là, il n'y a pas justement ces grands classiques comme on peut avoir même dans... dans La dernière séance, justement, il y a La dernière séance, il y a La voix d'Elvis, il y a... il y en a plusieurs quand même. Et dans celui-là, il n'y avait pas ces classiques-là où on a pu dire bah, celui-là, de toute façon, c'est un classique, donc c'est bon. Et puis, bah, tiens, on va plutôt prendre celui-là pour faire découvrir, etc. Là, c'est vraiment. C'est pas très connu, mais c'est tout est très bien dedans. Du coup, ouais, ça a été très délicat. Ah, donc, du coup, le problème qu'on a eu avec les années 80, c'est que. Contrairement aux années 60-70, qui peuvent à peu près passer, c'est qu'il y a quelques chansons quand même durant cette décennie qui sont très marquées justement 80s quoi, au niveau de la musique, avec les boîtes à rythme ou des trucs comme ça. Et puis il y a des gens que ça rebute un petit peu, je pense, des années 80. Donc bon, nous ça va. Je pense que les personnes qui sont encore là maintenant, ils peuvent tout écouter. S'ils n'aiment pas Eddie, ils sont déjà parés depuis longtemps. Oui, voilà, c'est ça, mais bon. Mais quand même, justement. Mais donc, du coup, on voulait privilégier un truc assez accessible d'écoute sans que ça puisse rebuter les sonorités 80s. Et donc, du coup, on est tombé sur, entre autres, sur celle-là, qui est pas épurée, mais la construction musicale est très simple dans le fond. Tu sais, c'est un piano... C'est une chanson quand même assez nostalgique et qui parle un peu à tout le monde, je pense, parce qu'on a dû tous l'avoir, ce moment où devenir un enfant. Ouais, voilà, on regrette notre enfance, les plaisirs simples de l'enfance. Quoi. Enfin, on se contentait peu, on n'avait pas de facture à payer ou de responsabilité. Ouais, plus que ça, enfin plus que je regrette parce que c'était bien, il y a aussi ce je regrette parce que avant j'étais un peu insouciant, je m'imaginais pas ma vie comme ça, je pensais que ça allait être autrement, etc. Quand il dit les happy ends, c'est dans les films, j'ai mal lu le scénario, c'est-à-dire vraiment il s'imaginait sûrement une autre vie, que les problèmes ça bah, c'était après, pour les autres, etc. Après, c'est sur fond d'une nana qu'il a quittée, hein, je crois aussi. Hein, oui, bah oui, parce que à un moment, il dit « Je suis peut-être pas le héros que t'imagines. » mais faut que tu reviennes jouer dans ma vie, donc oui. Mais il y a quand même ce petit truc nostalgique où tu sens justement que quand il était jeune, il n'aurait pas pensé avoir ce genre de problème. Bah, le fait que la nana l'a quitté, en fait, ça amène tout le truc qui vient à côté. Le fait qu'elle lui manque, et que du coup l'enfance lui manque, il en est nostalgique, enfin... Les petits plaisirs simples comme son Walkman lui font plus construction autour de ça. Voilà. Mais moi, je la trouve très, très belle, très jolie, un poil mélancolique quand même. En même temps, le sujet, voilà. C'est son fond de commerce. Non, oui. Pas toujours. Il est fort pour la mélancolie, je trouve. Il est fort pour la mélancolie, mais il n'a pas que ça. Non, il a des morceaux beaucoup plus rock hein, quand même. Bah. C'est vrai que pour l'accident, ça va quand même, ça c'est assez rock, c'est assez représentatif. Hein. Mais il y a eu des morceaux vraiment de pur rock'n'roll où il se défonce. Mais dans cette chanson-là, la partie, on va dire, avant je me contentais de peu, est assez belle, je trouve, quand il dit « Mon Walkman en solo n'amuse plus mon ego, j'ai grandi ». C'est-à-dire avant, en fait, étant donné qu'il connaissait pas, on va dire, cette personne qui l'a quitté, elle lui manquait pas, et du coup, lui, son petit Walkman, ça l'amusait, et limite, elle mangeait des glaces sur la fête foraine, c'était un grand trip. Tandis que là, bah, même tous ces petits trucs-là, ça lui fait plus plaisir du fait qu'elle l'a quitté, etc. Mais c'est pas, faut vraiment pas juste le prendre comme un « tu m'as quitté, je suis triste », quoi. C'est plus profond que ça, et c'est assez simple, il la chante de manière douce aussi. Ouais, parce que c'est une période de sa vie où justement il est dans un truc un petit peu nostalgique, quoi. On aurait peut-être pu... En fait, le problème qu'on a eu avec les morceaux un peu plus rock, c'est que finalement les morceaux typés rock'n'roll, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous, mais ils ont un fond commun un peu, si tu veux. Et c'est pas forcément intéressant de parler tout le temps d'un truc qui se ressemble. Donc du coup, on a voulu essayer d'avoir plusieurs facettes du personnage. Mais sur la prochaine chanson, il y aura une autre facette. Justement, une facette 60-62 sur l'album Mitchell de 1987. Quelle transition! Cowboy. Ah, par contre, ça est piqué un peu niveau 80s quand même. Ouais, mais c'est pas si grave celle-là. Saluer le drapeau. Pas si grave. En se levant. Du synthé dans le fond, des batteries et tout. Oh ouais, un synthé, ça s'excuse. Je veux des batailles, y laisser ma vie. Il n'y a pas que le sable qui sent chaud et a surtout grain. Ah, pourquoi 60-62 ? Parce qu'on voulait éviter... Non, parce que dans les années 80, il y en a énormément des biens. Et... on voulait éviter, par contre, encore une fois, on s'était un peu imposé deux chansons par décennie. Et donc, dans les années 80, il y en a beaucoup, beaucoup de très très bien. Mais on voulait pas, étant donné que la première qu'on a prise, elle était très douce, on voulait en prendre une qui était un peu plus... punchy. Ouais, voilà, un peu plus punchy, un peu plus péchu. Du coup, déjà, là, ça a fait un premier tri, même si on en adorait certaines autres. Est-ce que le tri a été difficile ? Pas tant que ça. Merde. Non, une fois, ça a été assez simple. Une fois qu'on commence à mettre en place... Je vous emmerde, vous faites chier. Une fois qu'on commence à mettre en place la méthode d'élagage, c'est bon. Ouais, voilà, on est parti sur le principe d'un classique. Après, on est parti sur le principe de se dire deux par décennie. Et après, on s'est dit... Pour éviter que ce soit trop monotone ou trop répétitif, on va faire en sorte de mettre, je sais pas si on l'a hyper bien respecté, mais du moins on a essayé et je pense que ça va quand même, de mettre une chanson douce et une chanson plus punchy justement pour un peu varier et montrer que déjà il y a eu une évolution, un changement, mais même à travers la décennie, il y avait déjà plusieurs choses à voir. C'est pas juste, comment dire... Eddie Mitchell, c'est pas juste trois titres avec juste un wow wow wow, soit c'est très complet et ça a été très tôt très beau et voilà quoi. Donc la petite partie d'élagage a bien aidé. Donc non, ça, tu n'as pas le plaisir de nous entendre nous plaindre. Pichtre. Mais du coup, outre le côté un petit peu plus punchy de celle-là, hein, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le thème de la chanson, qui pour le coup n'est pas d'actualité, mais où il parle de cette jeunesse justement des années 60-62, où il parle de la guerre d'Algérie, que lui, du coup, il a connu et où il avait un petit peu les foies d'être envoyé au front, quoi. Donc il y avait Elvis, d'accord, il y avait Elvis et sa jeunesse qui semblait un peu libérer justement les jeunes, mais il y avait aussi la menace de la guerre et des jeunes qui risquaient d'être embrigadés. C'est pour ça que 60-62, il n'y avait pas que des rockers. 60-62, quelque part, ça fait peur. Donc du coup, ouais, c'était certes le début de l'exubérance de la jeunesse, mais il y avait ça. Et en fait, ça, c'est un truc qui l'a profondément marqué, ce qui est plus, puisqu'il est assez anti-militariste, dit Mitchell, vu que lui, il a connu le service militaire et il a connu la possibilité de se retrouver là-bas et de se faire buter. Voilà. Donc du coup, c'était un petit peu une époque trouble pour lui, entre les loisirs et puis le devoir, entre guillemets, d'être envoyé par la patrie, tu vois. Pour se retrouver dans un conflit dont il reconnaissait pas qu'il considérait pas comme le sien, quoi. Et je trouve qu'il a vachement bien foutu justement qu'il a vachement bien construit cette chanson en te balançant justement un truc assez punchy pour t'expliquer que c'était pas tout rose, quoi, tu vois. Enfin, je trouve qu'il rajoute aussi un autre petit truc, plus que j'aurais pu faire la guerre et me retrouver dans la misère. Il parle aussi de deux, trois petites choses, enfin, pas longtemps, hein, c'est juste en une ou deux phrases, mais il dit aussi qu'il a peur, en fait, parce qu'à la base, tous les gens qui ont été faire la guerre n'étaient pas pour tuer quelqu'un, sauf qu'une fois qu'ils se retrouvaient sur place, et ben justement, quoi, les gens changent. Et il le dit, cauchemar que je vois brûler, et après il dit qu'attise la haine qui dormait en nous, en gros. Même si on est des gentils, c'est l'endoctrinement, etc. Du coup. Si on nous demande de faire la guerre, même si on est la personne la plus gentille du monde, bah avec un fusil entre les mains, on a peur pour sa vie, on peut devenir très méchant, tuer des gens, etc. Et ça, c'est assez beau aussi. Et puis il parle aussi justement du fait qu'à l'époque, le gouvernement, il cachait justement les infos, oui, sur la guerre. Et puis c'est vrai, ils avaient rien, les Français à l'époque, ils n'avaient aucune nouvelle. Il dit ça dans le début du deuxième couplet, il dit terrorisme OAS, info d'époque RAS. La vérité sur ces années est encore tabou. Bah, tu vois, bah sur aussi, voilà, sur ce qui s'est vraiment passé, sur les tortures que les soldats français, ils ont fait sur les Algériens. Tout un pan de trucs qui est résumé dans une chanson assez punchy, qui pour le coup, en fait, au début, tu l'entends, tu te dis, ah, elle sonne bien. Puis après, quand tu étudies un petit peu plus les paroles, tu te rends compte qu'elle n'est pas vide de sens, quoi. Est-ce que c'est un peu une sorte de Born in the USA? Ouais, on peut... Beaucoup moins fédérateur dans le sens où on la connaît beaucoup moins, mais pas dans le principe. Ouais, on pourrait dire ça. Bah, il l'a déjà chanté sur scène, hein. C'est pas sa chanson phare sur scène, mais il l'a déjà interprété. Ouais, après, t'as un autre petit truc qui est sympa aussi dans celle-là, c'est un peu la supposition, on va dire, de viraté qu'il aurait eu. Ça, c'est dans le début, je crois qu'il dit « m'apprendre à tuer quand je veux t'aimer et rester ici ». En gros, encore une fois, t'as des pauvres gens à qui on n'a rien demandé, et au final, on va les amener se faire fusiller, alors qu'eux, ils auraient eu une petite vie peinard et emmerder personne. Non, bah ouais, c'est tout simplement que lui, il voulait pas se préoccuper de tenir un fusil. À l'époque, il voulait être un jeune comme les autres, et puis aller draguer les nanas en surboom. Après, il explicite pas forcément le rôle de la France, c'est plutôt le côté militaire. Enfin, si, il explicite à cause de la censure, tout ça. Ouais, donc si, ouais, il y a quand même une sorte de... Il y a quand même une analogie, une comparaison. Merci de me donner raison. J'y avais jamais pensé, en fait. Hein, c'est l'avantage, quand on n'a pas de culture, on fait des liens un peu bizarres. Alors, années 80, c'est quand même un gros, gros symbole. Parce qu'années 80, entre 82 et 98, Eh bien, ce mec-là, il a commencé à être animateur de télévision, après la radio, et surtout, il a fait la dernière séance. Je pense que c'est avec celle-là qu'on l'a beaucoup connu à notre époque. Ce qui présentait des films américains, généralement western, un peu polar, etc., dans une ambiance de vieux cinéma, avec un entracte, etc. Et ce qui s'est vraiment départi de cette image américaine un jour. Bah, du coup, c'est dommage, parce que moi, quand la dernière séance s'est terminée, moi j'avais 6 ans, donc du coup, je l'ai pas beaucoup connu, tu vois, la dernière séance. Oh non, moi je la regardais à la télé, c'était pas bah ouais, bah moi je peux la voir que par procuration sur des images, tout ça. Mais... Effectivement, il est. On n'a pas était... tous la chance d'être vieux, hein, ça va, merci de le rappeler. Il était assez à l'aise, il avait l'air assez à l'aise en tant que présentateur. Le principe c'était de voir un premier film en français et un deuxième film en VO, c'était ça? Ouais, avec entre deux un numéro avec des cartoons et puis dans une ambiance années 50 avec des personnes costumées comme à l'époque dans un vieux cinéma avec les rideaux, etc. Il y avait un numéro où d'un magazine télé où ils avaient offert une paire de lunettes 3D pour le film. Oui, pour je sais plus quel film, c'était DLM for Murder ou un truc comme ça, c'était je sais plus, c'était peut-être un Hitchcock ou quelque chose, ils avaient essayé comme ça. Et du coup, toi, t'étais... Non, c'était la créature de la Lagon Bleu, je crois. Et du coup, toi, t'étais tout le temps... adepte de l'émission, tu n'en reloupais aucune? Moi, j'adorais ça. Bon, j'étais tout petit, mais j'étais dans la télé, j'adorais ça. Bah oui, ça devait... À la fois l'ambiance noir et blanc, cette vieille ambiance film américain, même quitte à me poser devant les films en version originale sous-titrée, il y avait cette ambiance qui transparaissait à travers cette émission. Il y avait vraiment quelque chose. Ouais, ça devait être bien. Peut-être découvrir des films qu'on voyait pas ailleurs. Fallait être vieux. Voilà. Bah ouais, bah. C'est aussi ce symbole-là qui reste. Jusqu'en 98, ça, je sais même pas que ça s'était arrêté en 98. Quand j'avais 3 ans. Il a dû diminuer vachement les numéros sur la fin. Quoi. Il devait y en avoir plus que 3 par an, je ne sais pas. C'est comme ça. Mais... Enfin, c'est resté quand même 16 ans un symbole de la télé. Il n'y a pas eu que lui qui l'a présenté, je crois. Je crois que tu as Alain Souchon qui a fait un ou deux numéros aussi. Alors les copains. C'est possible, copains, j'ai peut-être pas tout vu non plus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, ça devait être bien, ouais. C'était L'étrange créature du lac noir. C'était en 82, qui était pour la séance en relief. Ça, je l'ai pas eu. Mais je pense qu'il y a eu plein d'autres occasions pour avoir de la stéréoscopie et d'autres conneries de balles avec des lunettes de merde. Mais à ma connaissance, il les a toutes présentées. C'est bizarre. Non, c'est pas ça. Bah, il a, je crois qu'il a été tout le temps plus ou moins dedans, mais des fois, il déléguait la présentation du film à un mec. Parce que j'ai vu des images, hein, j'ai vu la Souchon présenter le film. Mais de toute façon, c'est un amoureux de cinéma, lui. Hein. C'est un passionné de cinéma. Ah, mais les images dans ces chansons sont vraiment cinématographiques. Ouais, bah, et puis ne serait-ce que la dernière séance qui est l'hommage au petit cinéma de quartier. Donc, j'ai connu quand même encore le petit cinéma de quartier. Est-ce que tu as vraiment connu l'émission cinéma de quartier sur Canal+ Non, faut quand même... Avec Jean-Pierre Jeunet. Non, faut quand même pas pousser. Mais j'avais un cinéma de quartier qui n'était pas dans mon quartier, mais il y avait un petit cinéma qui s'appelait Le Rex. Et il a fermé, je crois que les derniers films qui passaient, c'était, parce que pendant des années, il n'a pas été détruit, il y avait les affiches encore des derniers films dessus, et les derniers films qui a dû passer, ça a été Atlantide, l'Empire perdu. C'est le Disney. Là, là, là, là. Un des derniers. Oui, hein. Oui. Et je me souviens d'être allé voir dans ce cinéma le film Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit. j'ai fait partie des gens qui sont allés le voir au cinéma quand j'étais petit. Ça se respecte. Mais... Il est pas si horrible que ça, hein. Il a même. Il est pas mal. Mais c'est... Mais je crois qu'on s'éloigne un peu du. C'est juste que quand j'étais môme, je sortais d'FF8, je pensais voir un FF8, j'ai pas compris. C'est deux. Bah ouais, donc bref. Bon, Zou, années 90, vous avez 50 plus, moi j'ai 10 ans. L'album Monsieur Eddy. Là, c'est bizarre, c'est que. Vous comprendrez après. 1996, Monsieur Eddy, un portrait de Norman Rockwell. Norman Rockwell. J. Oh merde, j'allais dire, allez, vas-y, Fox. Alors, pareil, en fait, on a procédé de la même manière pour les années 90. Donc de là, on avait le choix entre les trois albums qu'il a sortis, donc Rio Grande, celui-ci, et Les Nouvelles Aventures d'Eddie Mitchell. Ouais, sauf que donc, arrivé sur ce principe-là, ça a été un petit peu délicat parce que on avait nos préférences, et en l'occurrence, même si Rio Grande c'est très bien et que justement on connaît Rio Grande. Il n'y a eu que trois albums dans les années 90. Non. Donc sur le premier album Rio Grande, on avait éliminé d'office Rio Grande vu qu'on avait le droit qu'à un seul classique et que clairement on s'est dit que c'était pas dans les priorités. Après il y en avait deux trois autres de sympas aussi, comme Y a pas de mal à se faire du bien. Donne pas le titre suivant tout de suite. C'est de la chanson suivante. Mais alors non, parce que donc on explique comment on en est arrivé à cette déduction parce que c'est un petit peu, tu vois quand même que c'est on a failli mettre 18 ans demain de Rio Grande. L'album Les Nouvelles Aventures d'Eddie Mitchell, on l'a plus ou moins éliminé assez rapidement parce qu'il y en avait des sympas mais il y en avait aucune qui nous directement. Le problème c'est que Monsieur Eddie, il y en avait même d'autres, cette chanson-là, comme, entre autres. Comme Harcelez-moi, par exemple. Et celle d'après, aussi. Du coup. Mais jusqu'au dernier moment, on voulait mettre 18 ans demain de l'album Rio Grande pour respecter le principe des deux albums différents. Sauf que le problème, sauf qu'on n'y croyait pas, en fait. Parce que choisir entre celle-ci et celle d'après, déjà, on n'en était pas trop capable. Et on s'est dit toi entre ces trois là les deux quelles tu préfères, et on est arrivé à ce résultat là quoi. Donc les deux chansons des années 90 sont du même album. Et du coup après pourquoi cette chanson là c'est parce que il faut l'écouter tout simplement. Elle est super belle. Elle est très cinématographique, comme tu disais tout à l'heure. Là, tu la vois, la petite mémère là, qui a passé sa vie, qui pense encore à son mari mort. Fond de musique, pas triste, mais c'est pas triste dans le sens dramatique. Il y a le petit truc quand même qui. C'est triste. Non, mais c'est triste dans le sens où malheureusement c'est la vie quoi. La vie, tu grandis, t'évolues et. C'est voilà. De la mélancolie. Ouais, voilà. C'est de la mélancolie plus que de la tristesse. Et là, pour le coup, en fait. Elle pourrait être importante pour moi, cette chanson, mais de rien. Parce que c'est la première chanson, du coup. Enfin. C'est le premier album d'Eddie Mitchell que j'ai acheté moi. Et donc, du coup, en fait, moi, j'étais comme toi à l'époque. Je connaissais au moins que les pire, classiques. Quand même, parce que bon. Tu connais les classiques, tu connais un classique, c'est sa petite différence. Tu vois, voilà, moi je connaissais Couleur Mentalo, La Route de Memphis, la dernière séance. C'est déjà ça. Deux de plus donc, que Barbouze. Mais donc, du coup, après, il y a eu ce fameux live offert à mon père, donc du coup, que j'ai acheté. Et donc, après, j'ai trouvé ce disque-là, Monsieur Eddie, dans un Cash Express. J'en avais acheté deux, j'avais acheté celui-ci et Frenchie en même temps. Et du coup, en fait, j'ai acheté Monsieur Eddie, vu qu'il datait de 96, il était plus vieux que Frenchie, donc je me suis dit, je vais commencer par celui-là. Je l'ai foutu dedans, et cette chanson-là, c'est la première piste. Donc du coup, ça a été un petit peu... Cette chanson, ça a été un petit... ça a été un petit peu ma porte d'entrée, tu vois, dans le monde schmoll. Alors, je précise, schmoll, c'est le surnom de Eddie Mitchell. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, quand il était jeune, il disait tout le temps small, mais avec l'accent un petit peu merdique. Donc, du coup, ça faisait schmoll. Et donc, du coup, tous ses copains, Dutron, Johnny, tout ça, ils se foutaient de sa gueule. Donc, ils l'appelaient schmoll. Et donc, voilà. Donc, c'est avec cette chanson-là, si tu veux, avec cet album, que j'ai pénétré dans le monde de schmoll un peu plus en profondeur, si je puis dire. Et c'est vrai que ça a été une. Enfin, je m'attendais pas à ça. Tu vois, cette première chanson, je m'attendais pas à entendre ça. Ce petit truc un petit peu mélancolique, très beau. C'est mignon. C'est mignon, mais en même temps, c'est. Tu vois, et puis les arrangements musicaux, ils sont vraiment magnifiques de celle-là. Non, puis c'est vraiment une chanson touchante, parce que t'imagines, bah déjà une petite mamie, c'est mignon, sauf Tati Daniel, elle, c'est une reine. Mais là, c'est vraiment mignon, quoi. T'imagines bien la petite mamie qui continue de vivre, mais qui est plus vraiment là que physiquement, en fait. Parce qu'elle prend toujours, à un moment, il le dit, elle achète toujours de place, et après, enfin. Puis les gosses semblent pas trop venir la, lui rendre visite. Ouais, voilà. Enfin, la petite mémé solitaire, quoi. Je crois même que c'est accentué dans le clip, ça. Je crois qu'on voit des. Je crois qu'on voit ces gosses ou alors des gens proches d'elle qui essayent de lui soutirer du pognon pendant qu'elle voit rien dans le clip. Et puis tu vois, même sur la fin, il dit elle n'attend rien de la vie, elle lui a tout donné puis repris. Certes, elle a vu des bonnes choses dans la vie, sauf que le principe de la vie, c'est que les belles choses que t'as, on te les retire. Et du coup, une fois qu'on te les a retirées, t'as plus qu'à te souvenir pour essayer de sourire, quoi. Et du coup, elle cherche le réconfort dans les peintures de Norman Rockwell. Voilà. Non, c'est compliqué de séparer celle-là, la suivante et 18 ans demain. Comme vous l'avez dit, c'est super chaud. Ah, 18 ans demain ? Oui. Bah oui, parce que 18 ans demain, pour le coup, elle était quand même plus groovy que celle-là. Oui, elle bougeait bien. Mais, ouais, elle bougeait bien, donc du coup, on encourage les gens à écouter 18 ans demain. Mais, allez-y. Mais du coup, c'est vrai que vu qu'on avait cette affinité-là avec celle-là et celle qui suit, c'est vrai que quand on s'est dit, bon, quand entre les trois, là, tu dis quoi ? Ce serait bien qu'on ait deux chansons différentes, enfin deux albums différents. Ce serait bien, mais... Sauf qu'on n'y croyait pas. On aime beaucoup 18 ans demain, mais c'est vrai qu'on avait moins d'affection pour celle-là. Parce qu'elles sont quand même hyper touchantes, les deux. Enfin, c'est... Ouais, alors oui, manière voilà, chacune, pas de la même façon, mais les deux là, c'est voilà. On va peut-être parler de l'autre aussi quand même. Ouais. Même album, 1996. Monsieur Eddy, oui quand même. Des tuniques bleues et les Indiens, et là je vous rejoins à 2353%. Très moderne celle-là. Ouais. Le sujet aussi, il y a toujours d'actualité. À t'entendre, faut croire que le bon Dieu t'a créé. Il s'est surestimé ou trompé. C'était à son image. C'est d'avant. Et le clip est vachement bien aussi. Oui. En tant que grand misanthrope, j'adore cette chanson. Alors pourquoi as-tu choisi cette chanson ? Explique-nous, Barberousse. Pourquoi ? D'où ça vient ? Comment as-tu découvert cette chanson ? Parle-nous de tes parents. Par le clip, et surtout parce que c'est une chanson extrêmement misanthrope, extrêmement acide et négative. Ça, j'aime beaucoup. Ah, c'est pas la chanson la plus positive du monde, hein, c'est vrai, mais... Mais si ! J'ai ma confiance en l'être humain. Mais elle envoie sur le refrain. T'as. Oui, mais okay, on monte en puissance d'un coup comme ça et ça va tout seul. Alors pourquoi celle-là alors ? Ah bah alors encore une fois, parce qu'on voulait une un peu douce et une un peu plus punchy. Donc celle-là était plus punchy. Et puis parce que ça s'est fait naturellement. C'est bien. C'est encore une fois c'est vraiment il raconte l'histoire et on est avec et. Et c'est juste bien, quoi. Il dit, de toute façon, c'est très positif comme chanson. Il dit que de toute façon, depuis des temps immémoriaux, en gros, les hommes se... Ouais, on s'extermine. Donc c'est bien. Même dans la cour d'école, on joue à se tirer dessus. Même des notes plus jeunes, c'est notre nature. Ouais. Parce qu'on prend exemple sur le passé. Et sur les grands. Et il est conscient que lui-même, il est pas tellement différent. Certainement. Je suis pas fier quand je me rase. Et ce clip. Le clip est pas mal. Il est vachement bien ce clip. lui a la dualité costume blanc et costume noir. Ouais. Le bien et le mal. Ouais. Bien, et ce jeu assez bizarre entre le bien et le mal sur autant de points. C'est très, très futuriste, moderne en même temps. Mais il y a vraiment quelque chose. Puis c'est vrai que t'as l'impression un petit peu de voir un mini-film. C'est vraiment... le clip, regardez le clip si vous ne comprenez pas de quoi on parle, et même si vous l'avez déjà vu, regardez à nouveau le clip, parce qu'il y a des petits détails aussi qui sont très sympas. Et puis ouais, le clip est cool, quoi. La dualité dans les couleurs de costumes, mais aussi dans les compagnons, mais on va pas en dire de plus pour que vous découvriez quand même le reste. Mais il est très cinématographique encore ce clip. Oui. Mais il essaye d'avoir des clips assez cinématographiques, de toute façon, vu qu'il aime beaucoup le cinéma. Par exemple, il y a une chanson sur l'album Mitchell qui s'appelle La peau d'une autre. Quand tu regardes le clip, au tout début du clip, tu le vois, il parle à la caméra, il dit dans le petit film que vous allez voir, je joue le grand méchant, mais je joue aussi le gentil chanteur. Tu vois. Et puis après, tu le vois en metteur en scène et tout, et puis il lance le truc. Et puis c'est vrai qu'il y a une sorte de... ça ressemble à un petit film, quoi, tu vois, avec tous les clichés habituels, truc. Mais ouais, du coup, je vois qu'il construit tout le temps ces trucs en pensant au cinéma, tu vois. Est-ce que c'est l'activité, ce truc-là? C'est vraiment fan cinéma jusqu'au bout? Ouais, fan cinéma jusqu'au bout, ouais, encore aujourd'hui, ouais. Bah, généralement, il continue à parler des films quand tu... À jouer dans certains. Ouais, il fait l'acteur. Non, quand tu vas le voir sur scène, il en parle et tout, et il te parle d'anecdotes de tournage ou des trucs comme ça. Et non, je crois que c'est un truc qu'il ne quittera jamais. Depuis qu'il est gamin, il adore les films, donc même l'ambiance cinéma. Ouais. Il regrette la disparition des cinémas de quartier. Mais... Surtout, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer les connards et les salauds. Oui, je pense, oui. Salaud, mais je pense que si tu demandes à n'importe quel comédien, il te dira qu'il aime bien jouer les connards et les salauds. Mais j'avais accompagné Mr. Fox... Je vais reprendre les paroles de Fatal Picard, mais est-ce que tu verrais Francis Huster dans un rôle de méchant? Pourquoi pas? Mais je suis d'accord. J'ai pas, moi je sais pas, franchement, sans Francis Huster, est-ce que, pour ce que j'en ai à foutre de Francis Huster... Bon, est-ce que tu verrais Jean Reno dans un rôle de méchant? Il l'a déjà fait. Un film pas terrible, mais il l'a déjà fait. Attends, c'est quand même le principal de sa carrière d'être le méchant. Enfin, généralement, c'est plutôt le gentil à cœur dur, quoi. La brute gentille. Il a fait le méchant dans un film avec... Avec Vanessa Paradis. Non, je l'ai vu aussi, celui-là. Oh, mon Dieu, j'aurais pas vu. Ah, il était pas très bien. Ouais, mon Dieu. Mais donc du coup, je me souviens qu'on était allé voir un comédien de doublage qui s'appelait Pistorio avec Mr. Fox et qui nous parlait de sa carrière et il nous disait qu'il adorait, quand il faisait du théâtre, il adorait jouer les fous et les salauds. Tu vois. Le film, c'était Un amour de sorcière. Je voudrais l'oublier, oui, s'il te plaît. C'est un amour de sorcière sorti en 97. Et il y a Jeanne Moreau. Mais... Ouais, il y a Jeanne Moreau aussi. Non, ouais. Mais pour en revenir à la chanson... Jeanne Moreau. Oh, c'est bien goûté. Oh, Jeanne. Elle est où, Jeanne? Jeanne. Pour en revenir à la chanson, du coup, en fait, c'était la deuxième chanson de l'album Monsieur Eddy. Donc, toujours, faut me ramener encore en 2011-2012, je mets le CD. J'ai d'abord un portrait de Norman Rockwell en première chanson et Les Tuniques Bleues et les Indiens en deuxième. Et du coup, j'avoue que sur ce moment-là, je me suis dit, c'est pas mal en fait, en dehors de la route de Memphis, tout ça, c'est intéressant, tu vois. Donc, une bonne tendresse pour la chanson, pour l'album, pour le sujet qui balance, tu vois. Il dit pas directement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il dit pas directement les trucs, il passe par des petits chemins dans ses paroles détournées, mais pour arriver à son but. C'est vrai que cette chanson-là, je la trouve très très cool. Pareil, on va dire que celle-là, quand j'ai écouté, je me suis dit « Ah, pas mal en fait !» Et encore une fois, ouais, le clip, je pense qu'il a un petit peu joué parce que Il me semble que celle-là, je l'ai entendue la première fois et en voyant le clip aussi. Et déjà, le clip, ouais, je trouvais très intéressant. Pas moi, du coup. Et ouais, le clip est vraiment sympa. Et puis, on comprend, on va dire, certains sous-entendus du clip. On les comprend plus facilement ou plus rapidement grâce au clip aussi. Et des paroles, je crois que je me suis répétée, ça voulait rien dire. C'est pas grave. Reprends depuis le début. En gros, on comprend plus facilement certains sous-entendus des paroles grâce au clip. Voilà, ce sera plus clair. Et donc oui, c'est une chanson qui parle des notamment des préjugés, qui parle de au final on peut vraiment faire confiance à soi-même parce que les ennemis on sait pas toujours qui ils sont, etc. Et il y a un petit peu de la facilité qu'on a quand il dit par exemple « Bof, j'y suis pour rien si le mal triomphe plus facilement que le bien ». Bah, c'est la mentalité qui fait que si ça me touche pas, bon, ça me concerne bah pas. Voilà. C'est un beau sujet. Là, encore une fois, c'est pas juste du « je t'aimerais bien », c'est un beau sujet, c'est bien fait, il y a un bon clip, il y a... Une bonne musique surtout, ouais, avec les petites sonorités indiennes aussi derrière qui habillent super quoi. Ouais, qui aide à s'imaginer vraiment. Ouais. On doit encore la musique à Pierre Papadimoudis. Encore lui. Qui, rappelons-le, a aussi écrit le générique de Téléchat. Et ça, c'est beau. Et ça n'a pas de prix. Oui, pour traumatiser les enfants, oui. Ça... Mais il était le générique. Est-ce qu'il y a... une meilleure activité au monde que de traumatiser les enfants, sincèrement, Barberousse. Et pourquoi pas, j'aime pas les gens heureux, qui est dans le même style. Alors, on l'a pensé. Mais. Mais il y a moins le. Bah, c'est sûr qu'elle déhanche un peu plus, mais il n'y a pas l'affect. Je conseillerais pas celle-là en premier à quelqu'un qui essaierait de découvrir Eddie Mitchell. Autrement que par les classiques. Parce que moi, cette chanson-là, c'est un peu là où j'ai vraiment commencé Eddie. C'est surtout avec le live en 2000. La fameuse image du M jaune. Ouais, la marque jaune. Ouais. Alors évidemment, quand il y a dessus Rio Grande, les tuniques bleues, j'aime pas les gens heureux, le cimetière des éléphants, le portrait de Norman Rockwell, bizarrement, ça me parle un peu ça. Mmh. Et il y avait Mans aussi sur ce live. Et j'ai moins retenu celle-là. Pourtant, pas de boogie-woogie, 18 ans demain, dernière séance, couleur monte à l'eau. Il y a un truc. C'est comme ça que j'ai rencontré, entre guillemets, Eddie. Tu te rends compte que tu t'es passé pour un inculte de la musique et que là, tu viens de sortir au moins 8 titres. Oui, parce que j'ai la page de zone d'ouverte. Ah oui, d'accord. Ah ça, j'ai eu peur. Voilà. Non mais, faut pas déconner. Est-ce que les 90, c'est vraiment une année misanthrope pour lui? Non, parce que... il fait ses derniers lives, il va arrêter, il va... Ah non, 90, il a encore le temps. Bah ouais, il a encore 20 ans avant d'arrêter. Hein. Non, c'est pas des années misanthropes, parce qu'en fait, bon, celle-là est misanthrope, mais il y a des chansons de l'album qui le sont quand même assez moins. Tu sais, par exemple, il y a Harcelez-moi, qu'on a hésité à mettre aussi dedans, où il dit... Là, justement, il demande les gens. il demande les gens, il dit « Harcelez-moi, venez passez sur mon corps, je vous en voudrais pas, tu vois. Je vous repousserai pas. » Non, c'est juste le thème, parce que c'est pareil, c'est une constatation de société, je pense, mais... Non, c'est pas forcément misanthrope. C'est plutôt qu'il est arrivé... Enfin, c'est un âge de raison, quoi. Hein, il a 50 piges... Oh ben non, il a plus rien à prouver, il balance ce qu'il pense, et puis... Mais c'était déjà Monsieur Eddie avant. Ouais, mais... Oui, bah... Mais c'était pas pareil. Et puis après, mais ça peut paraître bête à dire, mais il a quand même continué d'évoluer, et même si certains sujets pouvaient rester les mêmes, etc., il prenait de la bouteille, et ça se sentait même dans les arrangements, dans tout, quoi. Il y a tout qui est bon sur ces musiques-là. Et... En fait, si tu veux, c'est effectivement à partir des années 90 où il a cette image de crooner costard. Dans les années 80, il était déjà un peu crooner, mais il n'avait pas encore le costard. C'est un changement de mentalité, en gros. Ouais, depuis la fin 80, début 90, il y est, quoi, avec Rio Grande, tout ça. Nouvelle double décennie cette fois-ci, parce que apparemment 2000-2010, je suis pas très fier de vous. Pourquoi ? Ah, t'aurais préféré qu'on mette 12 titres ? Comme tu veux, hein. Attends, j'ai pas entendu parce que le son a coupé à ce moment-là. Non, parce qu'en fait, monsieur se plaint parce que nous avons dû regrouper la décennie 2000 et la décennie 2010 pour nos deux titres. Mais comme je viens de le dire, s'il se plaint, on peut rajouter deux titres. Ça nous dérange pas. C'est comme tu veux. Donc on va écouter sur la route 66 en 2003 sur l'album Frenchie. Mes regrets sincères, vraiment désolé pour toi. Tu repars vers tes galères, mais cette fois ça sera sans moi. Sur la route 66. Alors celle-là c'est un peu comme il ne rentre pas ce soir. C'est-à-dire quand j'ai appris, on va dire, que le hors-série allait bien se faire, il fait vraiment partie des chansons auxquelles je me suis dit, celle-là, non seulement j'y pense, mais ça me décevrait quand même ne soit pas dedans. Parce que, déjà, on connaît moins et comment dire, il y a moins de classiques en 2000-2010, étant donné que déjà, c'est plus récent, donc il n'y a pas encore le temps de se créer des classiques, même s'il y a des chansons qui ont bien marché. Celle-ci, je trouve vraiment qu'elle est, elle est top, quoi. T'es vraiment... Là, encore une fois, le côté cinéma, tu te retrouves vraiment dans la voiture avec lui à voyager. Et j'adore cette chanson, quoi. Elle est douce, elle est apaisante, elle est belle, elle est... Oh, j'adore cette chanson. Mais je sais que c'est bête, mais... comment ? C'est... elle fait partie donc de l'album Frenchie. Il y en a d'autres bien aussi, hein, dessus. Mais c'est pas son meilleur. C'est pas le meilleur, mais déjà il y a celle-là dessus, donc pour moi l'album est quand même bien. Mmh. Et après les autres, ouais, les autres, t'as quand même des chansons qui étaient fort, fort spéciales, on va dire. Fallait déjà connaître un petit peu pour accrocher aux autres, je pense. Et celle-ci, oui, je trouve que ça fait un petit peu, en même temps, le côté doux comme ça, ça fait un petit peu retour aux sources aussi. Et tu vois, justement... Avec une production musicale différente, quand même. Oui, oui, oui. C'est vraiment les années 2000. Ah bah oui, là, oui. Là tu mets pas ça aux années 60. Mais, enfin... Ah, c'est bête à dire parce que elle me paraissait tellement logique à mettre cette musique-là que j'en ai du mal à l'expliquer. T'as vraiment l'impression, quand t'écoutes cette musique-là, soit tu fermes les yeux et tu voyages avec lui parce que tu vois les différents temps, les différents paysages, tu sens le temps qui passe, mais pas de manière lourde. C'est-à-dire que tu subis pas le temps, là, tu le vis et... Et c'est beau, quoi. C'est-à-dire, en gros, sur ta route, tu vas croiser de tout. Et là, tu vois, il vient de dire les fantômes que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu vas passer devant des choses, mais pas forcément les voir parce que tu fais pas attention, des trucs comme ça. Enfin, c'est une très belle chanson. Ça parle vraiment de la route 66, hein, pour le coup. C'est plus... Ça cause vraiment du statut de la route 66 qui, au début des années, depuis quelques temps, c'était un peu perdu parce qu'avec maintenant toutes les autoroutes et tout, c'était plus pareil. En fait, justement, la belle époque de la route 66. Voilà, le road trip de la route 66 à moto, quoi. Et là, ça doit encore la... se faire. Oui, oui, ça se fait plus, encore. Ça se fait encore pour les passionnés. Tu voilà, vois. Plus pour les passionnés, ça se fait plus comme comme les gens devaient le faire parce que bah, c'était la route. Là, c'est plus le road trip prévu, programmé. C'est maintenant, il y a les avions, il y a les trains, tout ça. Ils ont 30 000 moyens plus rapides d'aller d'est en ouest aux États-Unis. Et ils parlent de toute l'image que véhiculait, que justement, bon, Easy Rider, tout ça, ça avait contribué à faire véhiculer, donc les patelins que tu croises avec les locaux, la musique locale, tu sais, le blues, quoi. Enfin, tout ce qui habille la route 66, c'est ce qui maintenant n'était plus comme avant. Et quoi. Que tu croisais de tout, à un moment, il dit monde métissé, frimé ou paumé, hein, mais c'est-à-dire vraiment, tu voyais de tout, tu traversais. La route est vraiment en traversant le pays. C'est un hommage à ce qu'a représenté la route 66 dans son apport de liberté, en gros. Enfin, dans son imaginaire de liberté. Voilà. Vraiment, les cheveux au vent, sans casque de moto, tu vois, le bandana à la rigueur sur ta Harley, tu y vas, tu rencontres de tout, et puis voilà. C'est qui maintenant c'est un peu perdu avec la modernisation, ou en gros à l'époque où on prenait le temps de rouler, même forcément ceux qui traversaient la route par nécessité, ils prenaient quand même le temps, parce que bon, ça prenait du temps en bagnole de faire d'est en ouest, même si t'allais pas jusqu'au bout, mais t'avais quand même les paysages qui allaient avec tout ça. Donc c'est vraiment une sorte de nostalgie des rêves qui ont un petit peu fané que véhiculait la route 66, quoi. Est-ce que c'est un peu de la nostalgie de la fin de cette époque, entre guillemets? Je pense que de toute façon les rockers, enfin ceux qui se sont abreuvés des États-Unis dans les années 50-60, ils sont toujours nostalgiques de l'image que justement les films western véhiculaient de l'Amérique. Même aujourd'hui, c'est des gens qui imaginent encore l'Amérique, enfin qui aiment garder dans leur esprit l'image de l'Amérique comme une sorte de grand Texas avec les cowboys qui mangent leur hamburger et qui jouent du rock and roll ou du blues, quoi. Est-ce qu'en 2010, on a vraiment perdu cet esprit Grande Prairie sur l'album Comeback? Oh là là! C'était un petit rêveur. Dans la ville en rang, les enfants obéissaient gentiment, mais lui faisait ses petites bricoles. Alors celui-là, c'est quand même un symbole, c'est le dernier de la liste en 2010. Oh, il y a eu d'autres chansons depuis, mais... Ah, c'est le dernier de la liste, là. Oui, oui. Toujours Esprit Grande Prairie, bah, encore on sent bien la nostalgie. Justement, je te parlais de l'imaginaire western qui était véhiculé quand ils étaient gosses, bah, il est là, quoi. Justement, la chanson, ça raconte comment Claude Moine est devenu Eddie Mitchell, quoi. C'est une chanson écrite par Souchon et Woolsey, par contre, celle-là. C'est pas Claude Moine et Papa Diamandis, ouais, ça change, ouais. Et justement, je pense que c'était bien qu'il confie ça, enfin qu'un autre que lui parle de lui dedans. Pour avoir un peu ce regard extérieur. Mais vraiment, la chanson, c'est ça, c'est l'histoire d'un petit gars qui, voilà. C'est l'histoire d'un petit gars qui, grâce au film, au bouquin... Qui te vendent les États-Unis comme une sorte de grand pays de la liberté western, le Grand Ouest. Et donc voilà, donc ça parle de cet imaginaire qui a construit le gamin qu'il était. Bon, on sait plus tard que c'est de lui qui parle. Celui-là, pour l'instant, il parle d'un gamin lambda. Je pense que ça dépeint non seulement lui, mais toute sa génération. Tu vois, lui, il voulait pas voir la France des années 50 sous René Coty. Il voulait voir... C'est notre Saïd à nous. Lui, il voulait voir... René Coty pour tout à l'heure. Ah bon? Ah oui. Bah ah, oui. Ouais, donc voilà, lui, il voulait voir les étendues sauvages de l'Ouest, et puis... Et puis voilà. Je pense que c'est bien ce genre de chanson qui parle de ce qui a construit un gosse... Un petit gamin. Ouais. Et ce qui en a fait ce qu'il est devenu. Tu vois, il transpose tout ce qui l'entoure, la méthode... Ouais. Mais du coup, je la trouve très très bien construite, et puis l'écriture musicale et des paroles de Souchon et Vosy, je trouve qu'ils lui correspondent assez bien. Ouais. Enfin, en l'occurrence, là, je crois qu'ils l'ont bien cerné, quoi. Ils ont bien cerné, ils disaient dans une interview, de toute façon, que c'était leur édit, tu vois, c'était l'édit des Français. Attention! Attention! Maintenant! Le petit Claude s'appelle Eddie. Et l'histoire dit qu'il avait pris l'esprit compagnie. Il était loin, loin. Loin, loin. Il était. Et justement, il y en a pas ok, deux. Ouais. Sur le live, ils ont fait un trio justement sur cette chanson. Le dernier CD live qu'il avait sorti en 2011, ma dernière séance, en bonus. Tu peux entendre la chanson chantée par lui, Souchon et Woolsey. Ça fait une bonne version. Je soupçonne Souchon et Woolsey d'avoir à la fois fait les paroles mais aussi l'orchestration. Ah oui. Alors ça, c'est parce qu'il y a deux mixtes. Deux mixtes. Pas, ah. Mixtes. Oh ouais, je me suis levée à 5h moi ce matin. Ouais, non, mais dans mon désarroi, tu vas avoir non mais c'est vrai que sur l'album, il y a deux versions de la chanson, deux mix différents. Donc nous on a choisi le mix Laurent Woolsey plutôt que le mix Jane Newland. Ah voilà. Parce que ça sonnait bien. Quand on comparait les deux, on préférait le mix Woolsey. L'autre est bien aussi, hein, c'est globalement la même chose, hein, c'est juste que c'est des petites nuances... Ouais. Des petites notes. Ouais, des petites différences subtiles, genre plus de chœur ou une batterie plus imposante, enfin un truc comme ça, mais qui joue. Et puis on sent quand même que le texte vient de Souchon et Woolsey quand tu regardes Solitaire, en somme, Lonesome. Enfin, je trouve que ça fait vraiment... Juste le texte, tu... Ah, le jeu de mots, la boule ouais. Ouais. En ah, somme, l'homme somme, ouais, ouais, ça fait vraiment Souchon, quoi. Alors, série Souchon et Woolsey. Sauf que t'as Souchon, vu la il est liste pas tout le temps de avec hors série qu'on a déjà. J'en ai rien à foutre, c'est vous qui bossez. Oh, putain. Le mec, attends, ouais. Moi, je suis plus partant pour un hors série Souchon que Woolsey. Hein, bon. Oui. Moi aussi, oui, parce que Laurent Woolsey, j'ai toujours trouvé qu'il ne chantait pas, mais qu'il soufflait. Non, donc, mais il a des trucs bien, Woolsey. Ouais, mais je préfère ses textes à sa voix. Eh ben, on fera un hors-série Souchon, plus en bonus, ouais. Deux, trois chansons, Souchon-Woolsey. Ouais, alors le problème, c'est que Woolsey, généralement, il s'occupe de la musique, et que c'est Souchon. C'est pas grave. C'est Souchon qui s'occupe des paroles. Le soleil donne. Le soleil donne. Bon, on s'en revient sur le sujet principal, s'il vous plaît. Ouais. Eddie, c'est... Il a vraiment arrêté la musique après ça ? Eddie ne peut pas arrêter la musique. Parce que, à ma connaissance, il est remonté sur scène il y a quelques temps. Oui. Cancer de la gorge. Oui, je l'ai vu. Oui, je vous affirme que je l'ai vu. En costard noir. Avec quelqu'un un peut big lui band. Jeter des pierres, s'il vous plaît. De ma part aussi. Oui, merci. Il portait une barbe. Même si je l'ai jamais au live, je m'en fous, c'est par principe. Putain, et dire que j'étais contente de mon cadeau de Noël. Mais non, donc en fait, j'ai pas relu toutes les interviews qu'il donnait à l'époque, mais en gros, il disait qu'il voulait pas arrêter la musique. Il a dit qu'il voulait pas arrêter la musique, mais qu'il voulait arrêter les tournées. Parce que c'était crevant. Parce que c'était crevant de tourner dans toutes les villes de France. Mais j'arrive pas à me souvenir si vraiment à l'époque il disait j'arrête les tournées ou j'arrête les concerts. Parce que du coup, ouais, maintenant il est remonté sur scène, mais juste à Paris. Donc pour pas s'emmerder et avec pas tous les déplacements. Ouais, il est resté 2-3 semaines, ou un mois peut-être quand même. Bon. Et il a sorti 2 albums depuis, un en 2013 et un en 2015. Mais non, c'est quand même pas mal. Oui, c'est quand même pas mal, ouais. Donc, si ça se trouve. J'espère qu'il y en aura un bientôt. Quoi, de concert ou de. Les deux. Bah, l'album il est sorti en 2015, attends un petit peu. Bah, il s'avait fait 2013, l'autre. Oui, bah voilà. Eh, ouais. On est en août 2016, hein, il peut sortir l'année prochaine. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup. Mais du coup, ouais, ce serait bien s'il continuait à faire des trucs tant que je suis dans le coin, moi. Si je peux aller le voir, j'irai. Hein. Mais à votre avis, est-ce que c'est un artiste de live ou un artiste de disque? Les deux. Ouais, pour le coup, les deux, parce que... Moi, il y a des versions que j'ai découvertes ou que j'ai préférées, en général parce que je les ai découvertes, mais pas en version studio, mais en version live. Mais en live, c'est pas pareil. Enfin, faut pas s'attendre à un déluge de spectacle, si tu veux. Il est très simple dans son... Il est très simple en live. C'est juste que... Mais la simplicité suffit amplement à faire un bon truc. Oui. Même si tu vas pas avoir les feux d'artifice à la fin du spectacle. Mais en même temps, je pense que bon, c'est parce que maintenant on le voit, c'est parce qu'aujourd'hui on le voit maintenant à son âge, quoi. Dans les années 60, je me demande que à quoi ça ressemblait à vraiment à voir. Hein, je parle pas d'un disque. La danse des genoux. La danse du genou, peut-être. Ouais, bah, avec les chaussettes noires, certainement qui devaient un petit peu plus suer, je pense. Ça a jamais dû être comme un Johnny qui se roulait par terre ou des trucs comme ça. Mais... Et puis les prothèses noires, c'est pas trop trop non plus. Ouais, les prothèses noires, ça rend pas bien. Je suis sûr que c'est un sacré bon titane qui a le droit. Tu sais comment ils se sont appelés les chaussettes noires, en fait? Non, pas du tout. Ah, tu sais pas? Bah, c'est... Des chemises? Non, eh bien, c'est bien simple. Au début, en fait, ils s'appelaient les 5 Rock. Donc ils enregistrent leur disque... Et ils le passent à la radio et ils entendent, et maintenant voici les chaussettes noires. Donc ils n'ont pas compris. Et en fait, c'est parce qu'en 12, derrière, il y a le patron de la maison de disques qui avait passé un accord avec les chaussettes, avec une marque de chaussettes, des chaussettes Steins, je crois. Et du coup, qui avait renommé leur groupe les chaussettes noires sans leur dire. Ah, sympa, ouais. Tiens. Puis il y avait la rivalité avec les chats sauvages. Les chats sauvages, ça c'était Dick Rivers. Paraît même que ça allait tellement loin à l'époque que les fans ils allaient casser les cordes des guitares des groupes adverses. Ah, c'était violent. Ah non, mais c'était bien à l'époque, hein. C'était rock'n'roll juste. Et certains groupes ça les gênait pas vraiment pour jouer. Oh bah, à mon avis, ils devaient prévoir un stock de cordes de rechange assez conséquent. 10 titres, maintenant il y en a 3 de plus. 4. 4. Oui, bon, c'est vrai. on va peut-être commencer par la catégorie spéciale. Ta gueule. Commencer par quoi? Le coup de cœur de Fox. Ah, zut. J'ai cru... Ah non, mais j'ai cru que t'allais dire autre chose. C'est pas grave, on va finir en beauté. Mais là, cesse. Vous sentez Barberousse trembler. C'est beau. On va commencer par le coup de cul de Fox, de ville en ville, sur le coup de cul. Happy Birthday. En 1980. De bar en motel, jour et nuit, de ville en ville, les visages s'oublient, les amours aussi. D'hôtel en hôtel, c'est ma vie. De ville en ville. Bon, tout le monde se tait sauf Fox. Pourquoi celle-là? Alors, si j'ai choisi cette chanson. C'est Sylvie Casse-Couille. Pourquoi celle-là? Bah, c'est une chanson vers laquelle je suis revenu naturellement. En fait. Parce que j'adore l'instrument, l'instrumentalisation, les arrangements qui sont très très simples, très sobres. C'est vraiment le truc à jouer autour du feu de camp. C'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas avoir joué de la guitare, parce que c'est un morceau que j'aimerais trop jouer lors des soirées ou des trucs comme ça. les moments où la soirée est plus tranquille. C'est vraiment le morceau guitare harmonica tranquille qui est apaisant sur un thème un petit peu tristounet quand même. C'est la solitude de l'artiste en gros qui va justement de ville en ville, mais qui pour rien au monde ne changera de vie. Je changerai de vie. En fait, c'est une chanson. J'ai choisi celle-là parce qu'en plus, c'est une chanson pas connue du tout, hein, je crois. Mais parce qu'elle est sur le même album que Couleur Mentalo. Et bon, elle a dû être un peu écrasée, je pense, par. un tout petit peu par le succès de Couleur Mentalo. Très, très léger. Et je trouve vraiment la musicalité du truc très, très touchante. En plus, la double voix, tu sais, qui. Tu l'entends, il s'est enregistré deux fois dessus, toi, sur la chanson, mais c'est, je trouve ça très, très beau, très, très harmonieux, en gros. Et très simple, mais pas simpliste, justement. C'est une chanson vers laquelle je reviens assez naturellement, même les jours où je vais... Que ce soit les jours où je vais très très bien ou les jours où je suis pas très bien, c'est une chanson qui va sur les deux. Parce que les jours où je vais très très bien, bah, c'est le moment de calme, de détente, tranquille. Et puis les jours où je vais pas très bien, c'est un truc un petit peu dans mon humeur. Mais... Et tu vois, il n'y a pas de fioriture. Et puis, la grosse influence, justement, balade western, tranquille, au coin du feu, quoi. Je trouve ça très très beau. Un petit côté Broadback Mountain, tout ça. Mais non, pas Broadback Mountain. Rien à voir, mais... Non, si t'as déjà vu le film Rio... Rio Bravo. Rio Grande. Non, Bravo. Le film Rio Bravo, le moment où justement ils se retrouvent dans la cahute et puis qu'ils chantent tous les trois, voilà. Un petit peu plutôt dans ce genre-là. Vraiment, vraiment la petite balade de l'Ouest américain. Tranquille. Et avec des paroles qui définissent un petit peu la solitude de l'artiste, mais qui finalement avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire les mecs qui viennent le voir souvent pas forcément avec de très bonnes intentions, vraiment juste pour profiter un petit peu lui, et ce qu'il dit de vrais amis sincères ou bien paumés ou faussaires intéressés, tu vois, les trucs comme ça. C'est tout ce qui entoure la vie d'artiste, quoi, en gros, mais qu'il aime ça, il a la musique dans le sang et il aime chanter, et que du coup même si ça implique de c'est plus trop vrai maintenant, puisque c'est plus même, il dit même si ça implique de se déplacer de ville en ville, il s'en fout, c'est ce qu'il aime. Oh, mais ça fait vraiment balade, elle fait vraiment très sympa à écouter. Ça me fait penser que je pense que Eddie arrêtera jamais de chanter. Mais non, de toute façon, c'est des mecs, ils ont la scène dans la peau, quoi. Ou même juste la chanson. Ils peuvent pas s'arrêter. Je crois qu'ils s'emmerderaient s'ils s'arrêtaient. Est-ce que c'est dans le moule, Johnny? Est-ce que c'est dans le... Le même moule que Johnny? Ouais, je pense, ouais. De toute façon, c'est deux très gros potes. Donc, enfin, c'est genre les meilleurs amis d'enfance. Enfin, ou d'adolescence, du moins. Tu sais comment ils se sont rencontrés? Non. Ils avaient 15-16 ans à l'époque, et en gros ils se sont rencontrés à cause d'une bagarre. Parce qu'en fait ils avaient tous les deux été invités à une boom, et Eddie il avait réussi à avoir des 45 tours d'artistes américains, donc c'était un truc super difficile à avoir à l'époque. Et Johnny les lui avait piqué. Parce qu'ils aimaient tous les deux le rock'n'roll, et donc du coup il lui a piqué en douce, et il y a eu une petite baston, quoi, et puis après une baston ça rapproche, et après ils sont devenus les meilleurs amis du monde, quoi. Mais c'est marrant de se dire que les deux ils ont commencé comme ça, quoi. En fait c'était Johnny le méchant. Ouais, si tu veux, ouais. Mais c'est plus marrant qu'autre chose, quoi. Je trouve que c'était peut-être même avant 15-16 ans, enfin, ou c'était pas longtemps avant, mais ouais. Bon, on va passer au coup de cœur de Gigi. Attends, je sais pas ce qu'elle en pense, Gigi. Non. Bon, succinctement, quand même. Bah, cette chanson, on avait réfléchi, elle est restée longtemps après plusieurs écrémages dans la playlist normale, on va dire. Et c'est vrai que les coups de cœur nous ont pas mal servi pour les chansons qui nous faisaient un peu, enfin, ça nous Un faisait peu un de peu de la l'œil. peine de s'en séparer. Oui, voilà, elle nous faisait un peu de l'œil et elle nous faisait un peu de la peine si on s'en séparait complètement. Du coup, on s'est dit bon bah celle-là je la sauve. J'utilise mon joker et je la sauve dans mon bonus. Et Et bah, c'est vous vrai que aviez celle-là. 12 823 jokers, bien sûr, c'est très difficile de tous les utiliser. Bah exactement. Mais donc c'est vrai que celle-ci, puis elle est agréable, oui, parce qu'elle fait une petite balade, mais pas petite balade dénuée de sens, quoi. C'est une petite balade qui est très sympathique à écouter, qui est belle, qui est simple, mais pas dans le sens simplet. Et c'est vrai que cette musique, elle aurait très bien pu se retrouver avec les autres. Même juste dans un petit western comme ça, tranquille, Ouais, tu limite la des frères vois en... Cohen, ça aurait été pas mal. tu la vois Bah dans un oui, bah film, puis ouais. t'imagines bien ça en petite musique de fond, même t'es tranquille, même quand tu fais autre chose à côté, tu te mets ça en petite musique de fond, c'est sympa, ça prend pas la tête, mais en même temps c'est pas non plus débile et c'est agréable, ça détend, c'est une très bonne musique et c'est vrai qu'on a longtemps hésité à la mettre dans les 10 titres. Mais bon, au final, je suis contente qu'elle soit sauvée par le bonus. Mais je me demande, c'est bizarre, il a fait du cinéma, mais il a jamais joué dans un western. Bah, Bah, faut dire qu'en France, les westerns... ouais, tu vois, encore le western spaghetti italien, ça marche, mais le western français, Johnny a joué dans un Western western. coquillettes français, ça marche moins bien. Oui, ça c'est vrai. Johnny a joué dans un film de Sergio Corbucci, je crois, si je dis pas de conneries, un western italien, western spaghetti. Ouais. Il s'appelait Le Spécialiste. Mais lui, non, le western, il n'y a pas touché, je crois. Ou alors c'est un film que je ne connais pas. Bah, et puis Johnny s'est mis au cinéma plus tôt que Eddie quand même. Enfin, Eddie, elle aimait déjà bien, mais des vrais rôles, il les a eus plus tard. Non, pas Bah, vraiment. si Non, quand parce même. que les deux, la mode, c'était. Enfin, ça a fait un peu comme Elvis. Hein. Elvis, il a fait aussi une carrière d'acteur au cinéma. Il a tourné dans plein de films parce que c'était le chanteur de la mode. Et donc, du coup, en France, dans les années 60, ils ont tourné dans quelques films, mais mineurs, quoi. En fait, ils jouaient soit leur propre rôle, soit un rôle de chanteur. Donc, après, c'est plutôt dans les années 80, quoi, qu'ils ont commencé tous les deux à aller dans des films un petit peu plus sérieux, on va dire. C'est pour ça que maintenant on va passer à ton coup de cœur, qui s'appelle Et la voix d'Elvis, sur l'album La dernière séance en 1977. Ça, c'est pas un truc de dépressif à la Simon & Garfunkel. Ah, c'est du rock and roll, quoi. Alors, pourquoi ce coup de cœur? Alors, bah lui, c'est pareil, il est resté très longtemps aussi dans notre liste. Et justement, ce qu'on aimait bien, c'était ce côté un peu, enfin, pas un peu, ce côté très rock and roll. Et puis ouais, c'est sympa, la référence à Elvis, on va dire, en icône de ses, comment dire, de ses idoles de jeunesse, on va dire, qui l'oppose notamment dans la chanson à tout ce qui était dans l'actualité à l'époque et qui le gonflait plus qu'autre chose. Et au final, ben, j'avais dit de toute manière, si il ne rentre pas ce soir ou la route 66, on est obligé de les virer, je vais avoir beaucoup de mal parce que c'est deux que je voudrais sauver aussi. Et au final, on les a placés, du coup, j'ai pu sauver celle-ci, ce qui m'a fait plaisir aussi. Et oui, celle-là, c'est vrai qu'elle bouge, mais en même temps, elle raconte aussi son enfance et un peu les débuts du rock'n'roll et ses débuts à lui aussi. Quand il dit qu'au départ, pendant qu'il y avait déjà Elvis et qu'il l'admirait, il bossait simplement, il avait un boulot normal, etc. Ça, c'est vrai. Hein. J'ai vraiment un garçon de course au Crédit Lyonnais. On m'a interrompu. Ouais, non, mais C'est pas du tout ce que t'as fait pendant toute la playlist, hein, c'est pas grave. Pré pré Absolument petite pas. précision. Et oui, enfin, dans toute la chanson, il raconte justement un petit peu son évolution comme ça. Et bah, il, là, encore une fois, il rapporte la guerre d'Algérie aussi dans les années 60. Et puis il parle de la société de manière générale. Là, je vous avais dit de retenir René Coty, et là il dit comme ça, et René Coty préparait son départ. Le vieux James Dean était déjà mort. Il parle aussi de Charles de Gaulle qui prenait le pouvoir. Il reparle, il me semble, après des pieds noirs. Enfin, il raconte vraiment de tout ce qui se passait dans l'actualité qui ne l'intéressait pas vraiment dans les années 60. Et à côté de ça, il avait le grand Elvis qui enflammait le public avec le rock'n'roll et qui vendait du rêve, quoi. Et comment il dit, enfin, il me semble que sa dernière phrase, c'est « Et pour moi, tout changeait ». Ça montre vraiment que même quand il avait sa vie normale, on va dire, le rock and roll pour lui était déjà, on va dire, une sorte d'échappatoire à la réalité, parce que il suffisait qu'il entende ça et ça y est, il était parti pour être à fond dedans et profiter, quoi. Et c'est vrai que cette chanson là est très bien. Est très très rythmé et en même temps pas non plus dénué de fond. Là, c'est même la fin des années 50, hein, plus que des années 60 dont il parle. Oui. Non, bah, en plus, l'album sur lequel il y a la chanson, il sort en 77, et puis c'est l'année où Elvis y meurt. Donc, du coup, c'était, c'était son hommage, quoi, particulier à lui. Et ouais, bah ouais, l'avantage d'être quand même vachement. Vachement groovy, vachement rock, là non, ça donne envie de bouger, quoi. Et non, et puis il parsème la chanson de plein de petites anecdotes personnelles. Il était vraiment garçon de course au Crédit Lyonnais quand il était môme. Il s'est fait virer parce qu'il était plus souvent au bar en train de jouer au flipper qu'au boulot. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le parallèle entre son amour d'Elvis et ce qu'il y avait à côté, quoi. Non, c'est une chanson très cool pour redonner un petit peu la pêche. Puis tu vois, cette chanson-là, elle est sur La Dernière Séance, qui a donc en titre, on va dire, le plus connu, justement, La Dernière Séance. Et bah, celle-là, c'est vrai qu'on l'avait, nous, on l'avait classée directement dans les classiques, mais elle était pour nous tellement classique qu'on s'est dit peut-être pas. Et comment ? Et bah c'est vrai que c'est quand même un album que j'aime bien, moi, mais bon. Et voilà, cette chanson-là, c'est vrai qu'elle a la particularité de bouger grandement, et elle est très agréable à écouter. Mais La Dernière Séance est très bien aussi. Enfin, tout l'album est très bien, écoutez-le. Bon, on va plus ou moins... Bah non, on va pas terminer, en fait. Non, du tout. Il y a la tienne. Oui. Il y a ton coup de cœur. La tienne et... Je suis obligé. Et... Bah, on va déjà commencer par mon coup de cœur. Bah, c'est obligé. Bah, sur le même album que la tienne, Fox, Happy Birthday, ouais, 1980, ouais. C'est Couleur Montalo. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La la la la. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux coulants. Ben moi, cette chanson-là, je suis pas du tout étonné qu'elle ait éclipsé énormément d'autres chansons. Ah, classique parmi les classiques. Alors, Barberousse, pourquoi cette chanson ? Explique-nous ton point de vue. Bah, tout simplement parce que c'est avec celle-là que j'ai connu Eddie Mitchell en vrai. C'était pas sur l'album du Live 2000. Et surtout, cette chanson-là, c'est de la mélancolie pure, c'est du regret, c'est le mec qui reste en retrait, qui raconte un peu sa vie, et Lana qui voit passer au loin. Il fantasme un peu autour, et puis... Ah, pas qu'un peu. Pas qu'un peu. C'est pas du fantasme, on va dire sale, c'est juste un petit peu d'imaginaire d'un coup, et puis il y a cette sorte de double monde le monde qu'il voit, qu'elle voit elle, et puis le monde qu'il voit lui, avec ce loup à la fin qui lui tourne autour. Et il y a à la fois une puissance et une douceur dans cette chanson qui, moi, j'aime beaucoup. Et surtout, j'ai un gros problème avec la musique, c'est pour ça que je fais la playlist. J'ai pas de coup de cœur pour un artiste, j'ai pas de coup de cœur pour un album, j'ai un coup de cœur pour un morceau. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à écouter d'autres morceaux du même artiste. Ouais, ça c'est bloquant, ça. Il y a celui-là. Et c'est celui-là qui m'a fait aimer pas Eddie Mitchell en général, vu que j'aime pas tout, mais qui m'a fait intéresser à Eddie Mitchell. Ah, mais ça c'est bloquant, du coup, effectivement. Si t'as. Si une chanson te donne du mal à écouter le reste. Est-ce que t'as peur de pas retrouver la même qualité dans le reste, c'est ça? Je suis tellement bloqué sur un titre que je peux pas. Ah, mais des fois tu peux trouver encore mieux. C'est ça qui est génial avec la musique. Oui, mais je suis très très souvent déçu. C'est parce que t'as pas été assez loin? Peut-être. Et moi je garde ce charme de cette ambiance de dancing, de américain. Il y a toute cette ambiance qui revient pour moi et dit en même temps. Juste résumé dans cette chanson là. Ah, c'est de là que tu vois son côté crooner, quoi. Voilà. Avant, son côté rocker. Ah bah ouais, non mais de toute façon, c'est vrai que on a dû tous commencer par celle-là, enfin, ou une des premières, celle-là. De toute façon, tu peux tellement pas passer à côté. Enfin, pour un peu que t'écoutes la radio. Elle est quand même très, très, très, très, très, très ouais, bien. Pour un peu que t'écoutes les vieilles radios, quoi. Je crois qu'il l'a fait tout le temps sur scène, celle-là. Ouais, ouais, il l'a fait quasiment tout le temps. Là, quand je suis allé le voir, il a conclu le show avec celle-là. C'était le rappel. La deuxième du rappel, je crois. Mais il a conclu avec celle-là, en fait. Moi, je sais pourquoi elle est toujours là. Elle bouge pas. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est entre guillemets si universel dans sa carrière. Ah, ben. Bah, Mais elle est superbe. Bah, c'est enfin... la musique, hein. C'est la construction d'une chanson. Chaque instrument apporte son petit truc. Si elle avait pas été faite comme ça. Enfin, s'il manquait ne serait-ce qu'un instrument, ça se trouve, elle aurait pas marqué. Autant les esprits. Pourquoi ouais, déjà, t'as la musique qui est exceptionnelle. Pourquoi elle... Oh, alors là... Pourquoi... Bah, Mais t'as la musique vraiment qui est exceptionnelle. La musique toute seule, même si tu virais les paroles, la musique est déjà très, très, très prenante. Et les paroles... C'est toujours Pierre Papa Diamandis. C'est, toujours, ce fameux. Mais les paroles, t'as vraiment ce truc... Qui, ben, on en a parlé tout au long, quand il chante, on a vraiment l'impression de vivre l'histoire avec lui, de voir un petit film, etc. Et dans celle-là, je pense que c'est vraiment. Enfin, cette chanson-là fait vraiment partie de celles pour lesquelles c'est le plus fort. C'est-à-dire que là, t'as un détail qui est vraiment très fort, quoi. T'as non seulement comment elle était, mais aussi ce qu'elle faisait, dès qu'elle bougeait, tu l'imagines en train de regarder ses moindres gestes, t'as sa manière un petit peu, enfin il fait ça en plus avec des images quand il dit elle marchait comme un chat qui méprise sa proie, t'as vraiment cette image qui te permet aussi de t'imaginer comme toi tu le vois, pas juste, comment dire, c'est pas une image universelle, c'est-à-dire tu imagines comment elle va marcher avec cette référence-là. Et t'imagines, enfin c'est une très belle chanson et tu vois bien, enfin tu vois très bien ce que lui a dû voir et tu le vois en même temps lui en train de voir ce qu'il voit. Ça fait beaucoup de voir. Mais après c'est un tout, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui va l'entendre pour la première fois certainement, bon, à mon avis il y a peu de chances de ne pas l'aimer ou de ne pas tiquer sur cette chanson-là quand même pour n'importe qui. Quand t'es fan de Maître Gims, tu vas peut-être avoir du mal. Ouais, mais bon, là on oui, part mais du bon, principe quand t'as pas de goût, on y peut rien. Ouais. On part du principe que le mec est assez vierge musicalement pour pas s'être fait polluer. Ah, mais c'est pas de la ouais. musique, Maître Gims. Ouais, c'est... Pour pas s'être fait polluer, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est un tout, c'est-à-dire c'est la manière, c'est le phrasé, c'est la musique, c'est tout. C'est, Là, c'est, il commence à caper là, et puis je pars au piano. Puis après, il y a tout qui. Il y a tout qui enrobe et puis qui habille, quoi. Mais bon. Je pense que, voilà, de toute façon, c'est une enrobe. Ça ne s'explique pas vraiment, hein, le succès d'une chanson. Ça se ressent plus que ça s'explique, je crois. Tout son style est résumé dans cette chanson. Pas forcément de grosses guitares électriques, c'est juste des cuivres, une petite batterie, ambiance simple. Une voix, l'ambiance américaine, bah les femmes, oui, fatalement, mais aussi un peu plus en retrait du ressenti. Il y a tout dedans, tout est résumé. C'est très bizarre. Non, c'est vrai que, ouais. Bah, et puis t'as aussi la marque d'un temps passé avec le jukebox, avec le flipper, etc. Maintenant, malheureusement, t'en as plus. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire une playlist. Heureusement qu'il reste la playlist. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire une playlist basée uniquement sur des succès, mais on trouvait pas ça très intéressant de balancer que des chansons que tout le monde connaît. Enfin, à la rigueur, aller télécharger un best-of, quoi, si c'est pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'on voulait essayer de... Ou offrez-moi le live de 2000 avec la marque M jaune, merci, je vous en remercierai infiniment. Non. Ouais, mais donc du coup, on voulait essayer de montrer d'autres chansons de Eddie, essayer de faire connaître une autre facette, quoi. Ça nous semblait plus intéressant qu'un bête classement de chansons classiques, quoi. Mais encore une fois, les très connues sont aussi très bien. Je pense que Couleur Mentalo, ça doit faire partie de celles que j'ai le plus écoutées, même hors radio, de moi-même. C'est vrai que j'adore l'écouter, celle-ci. Mais comment vous expliquez que toutes celles qu'on ait choisies en coup de cœur soient autour des années 80? Bah alors moi, ça a été plus... j'étais pas... Toi, c'est 77 ou 280. Oui, mais à 3 ans près, quand même. C'est les tubes, ça se bonifie avec le temps. Ouais, voilà. Puis bah, en tout cas, pour vous, c'est des tubes. Moi, ça n'en était pas un. Mais... je pense que c'est... Et la voix d'Elvis, je sais pas si c'est dans les grands classiques. Oh, bah, à son époque, si, mais de temps en temps, il la chante encore. Hein. Oui, mais il la chante encore, lui, mais tu demandes à quelqu'un qui connaît pas du tout, ou qui connaît même un petit peu, je pense pas que ce soit dans les premières que tu connais. Non, c'est sûr. Non, mais je pense que c'est... ça a dû être uniquement parce que... je sais pas si on peut dire que c'était son point d'orgue, mais ça a été une période prolifique, quoi. Bon, pour terminer... Oui! Pardon. Vous entendez la gaine qui hurle, évidemment. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils m'ont préparé une reprise. Tu voulais une reprise, on a une reprise. Il me fallait une reprise. Oui, absolument. Et je ne sais pas quelle reprise c'est. Donc quelque chose me dit qu'elle a choisi une reprise juste pour me faire chier. Alors, Non, on a pris la reprise parce que c'est une reprise qu'on aime qu'on bien. A beaucoup aimé. Bien. Qu'on a Ou alors beaucoup, c'est une reprise de lui-même beaucoup. Pour. Tu sais déjà c'est quelle chanson qui a été reprise. C'est écrit La route de Memphis. Ouais, exactement. Voilà. J'ai pas l'année de la reprise. Eh bien, là, cette reprise a été faite en 1996. Et c'est une reprise live qui a été. Et laisse-le non, découvrir. Non, attends, c'est une reprise live qui a été faite lors d'un concert à Las Vegas. Mon dieu, si c'est Dick Rivers, ça va chier. Ce n'est pas Dick Rivers. Tu peux balancer. Évidemment, j'ai l'image. Ah merde, j'ai pas. Parce qu'évidemment, on va se taper un hors-série Johnny un jour. Évidemment, c'est Monsieur Jean-Philippe Smet. Ouais. Ah, il est moins bien quand le même. Le grand. C'est une autre façon d'interpréter. Mais une très belle aussi. Bah, on se devait presque de mettre celle-là à cause que c'est deux gros copains. Quoi. À cause bah que oui, c'est. Ouais. À cause que c'est. Rien, hein. On n'y peut rien en fait, Barberousse. On était obligés. L'amour en Oui, on va se le faire, le hors-série de Johnny un jour. Commencez pas à me faire chier. Voilà, vous avez tous entendu maintenant, c'est très officiel. Alors, le problème, c'est qu'il y a que les fans de Eddie Mitchell qui ont entendu ce truc. Donc ça veut dire qu'au moins sur les 100 fans d'Eddie Mitchell, il y en a au moins 20-30% qui vont écouter le hors-série Johnny. Tant pis. Je l'aime moins bien, celle-là. Il y a trop de trémolo dans la voix. Après, le truc qu'il faut savoir, c'est que bon, le concert à Las Vegas en 96, il est spécial parce qu'il a fait vraiment venir les fans de France en partenariat avec Air France. Ils sont arrivés dans des... Ils sont arrivés dans des avions renommés au nom des chansons et tout. Ça a été, ils ont été logés dans les hôtels. Donc ça a été vraiment un truc très spécial. Sauf que le problème... c'est que la veille du concert, il s'est chopé une trachéite, je crois, si je dis. Enfin, il avait un putain de mal, un putain de mal de gorge. Et donc du coup, il s'est franchement défoncé au à la morphine, mais au... j'ai plus le, j'ai... ouais, aux antalgiques. Quoi. Il s'est vraiment défoncé aux antalgiques pendant la veille et le lendemain pour pouvoir assurer le show. Et il est quand même pas mal parce que ça se ressent moyennement, quoi. On va dire, il a réussi à tenir tout le show en restant assez bien durant tout le concert. Mais donc du coup, il n'était pas à 100% de sa forme. Mais même à 10% de sa forme, mais il était bien. Mais c'était un concert qui avait été pensé vraiment en hommage au rock'n'roll et à la culture américaine. Donc c'est vraiment un concert qui a été fait qu'avec quasiment que des standards de rock. Et quelques-unes de ses reprises et tout. Et il a rendu hommage à son vieux copain avec cette chanson-là, vu qu'il y avait un lien avec les États-Unis. Et on s'est dit que c'était logique quand même de choisir une reprise de Eddie par Johnny, d'autant qu'il n'en a pas fait 36 000. Mais en plus de ça, c'est que quand on a vraiment cherché une autre reprise, eh ben... eh ben, on a galéré parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reprennent du Eddie Mitchell, en fait. Même pendant les tournées Vieille Canaille. Pendant les tournées quoi? Les tournées Le souci avec les tournées Vieille Canaille, c'est que ça aurait été des duos. En fait, si tu veux... Et alors? Tu nous as demandé une reprise par... Et le problème avec les Vieilles... Du coup, on a voulu... Le problème une avec reprise. Les Vieilles Canailles, c'est que le concert, il n'est jamais officiellement sorti ni en DVD ni en CD. Du coup, la qualité était bof. Donc en fait, tu peux trouver l'intégralité... vidéo sur YouTube des Vieilles Canailles, mais il aurait fallu faire tout un truc pour... Ce qui avait couleur Montalo, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, quoi. Ouais, il y avait ça, ouais. Oh, il y avait... Pas de Boogie Woogie, Mitchell du tronc, Mitchell du Johnny. Il y avait... mais il y avait des très bons trucs hein, dans ce concert des Vieilles Canailles, mais bon. J'ai regretté qu'ils aient pas chacun chanté une chanson de l'autre, même en duo. Enfin, Johnny et Eddie l'ont fait en chantant les cactus du tronc. Mais après, il n'y a pas eu du tronc et Eddie qui chantaient une chanson de Johnny et du tronc et Johnny qui chantaient une chanson d'Eddie. Ça, c'était peut-être un peu dommage. De toute façon, du tronc des trois, c'était celui qui était le plus faiblard. Et puis, il manquait Dick Rivers. Mais ils sont pas potes avec Dick Rivers. Du tronc de Johnny et Eddie, c'est normal parce que c'est des mecs de la bande de la Trinité et du Golf Drew. C'est normal. Trinité, Trinita, vous faites le lien, c'est bon. Mais non, même pas. Pardon. Non, c'est des mecs qui traînaient dans la même bande et qui traînaient dans le même bar. Enfin, je sais pas si on peut dire que le Golf Drew c'était un bar. C'était genre l'endroit des jeunes quoi pour écouter du rock and roll, le Golf Drew à Paris avant. Il a été détruit hein, depuis, mais je crois qu'il y a un McDo maintenant. Et voilà, c'est moins glamour. Ouais. Mais c'était vraiment l'endroit pour le rock'n'roll. Tous les rockers yéyé des années 60, ils sont quasiment passés par là. Et il n'est pas venu à Las Vegas Non, il n'est pas venu, non. Bon, bah, je pense qu'il est temps de vous remercier. Est-ce que tu es content de la reprise? Non. On a beaucoup pensé à toi, tu sais. As-tu apprécié la playlist dans son ensemble? Alors, vous allez me laisser terminer déjà, ce serait bien. Hein. Donc déjà, je vous remercie d'avoir tant souffert pour faire cette playlist de 13, 14 titres sur Eddie Mitchell. Non, parce que je sais que tu étais très malheureuse à l'idée qu'on ne fasse pas cette playlist. Et je me suis dit, non, il faut que je la rende heureuse au moins une fois, que je puisse au moins la faire chier après. Ouais, bon... Merci Fox. d'avoir tant travaillé pour tout ça. Surtout que ça devait être vraiment une torture de racheter tous ces CD, tous ces vinyles, tout réécouter, surtout avec... Écoute, Gito, j'avais voilà. Tout déjà de base, donc... Donc, ça a été très marrant à faire. C'était très, très drôle, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. On était très contents de le faire. Bah, merci J d'avoir fait tout ce travail avec Fox, de racheter tous les CD, les vinyles, et puis travailler avec lui, c'était vraiment une vraie torture. Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Moi, je vais vous remercier d'avoir écouté Sorcery, enfin, ceux qui restent déjà, ceux qui sont venus jusqu'au bout. Je vais quand même vous remercier et savoir que est-ce que vous seriez partant pour d'autres hors-série, devenir mes co-associés pour les playlists hors-série. Bien entendu. On a plus ou moins déjà signé de toute façon. C'est un devoir que nous avons. Il faut moins que ce soit officiel. Bah, faut que tu fasses un contrat et tout. Hein. Oui, non, on fera un CDD, contrat à durée individuelle et puis on se débrouille. Frère de sang. Pardon. Oh, démerdez-vous. Hein. Non, pas de Johnny la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on essaiera de faire un ou une artiste ou un groupe étranger. Oui, t'inquiète pas, non mais Johnny, ça. Ce sera la fois d'après. Un coup en France ouais, et un coup à l'étranger. Ça. Ce sera rigolo, ça. Et ce sera plus Simon & Garfunkel, ce sera plus Eddie Mitchell. Vous pouvez être rassuré. Mais ce sera bien, on peut vous le promettre. Non. Je vous souhaite quand même une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans le prochain hors-série ou la prochaine playlist normale, je sais pas encore quand. Un jour. On verra bien. Un jour peut-être. Bien. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Il a gagné grâce à un autre genre de pod. Les pods 20. Oh, non. Oh la vache. J'ai un relan de Randall. Bon, il est minuit et demi, mais fatigué. Non, j'ai un relan de Randall. Alors ça, c'est très violent parce que ça, tu vois, il va pas te couper au montage. Ça, il va le laisser juste pour que tu aies la honte. Et je ne te soutiens pas, je ne le soutiens pas dans cette blague. Je vous c'est préviens. La faute à Randall Flagg. Et minuit et demi, on est fatigué, on va se coucher.